Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens mon anus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Gandalf, aichi je ichi desu. Irimasen no tame ni apéro original go. Ichinen tanchobi shobetsu no nata no mimi ni taberu de watashi toshio ni futari hazertof. C'est moi? Enfin, je pense. Setai nuchi to hazerto. Salut. Arigato gozaimashita da hiremase no Eugene. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Elle t'a pas dit qu'on remerciait nos sponsors. Ah. j'ai pas tout compris. Donc je traduis. Je suis sûr qu'il nous a insulté, hein, c'est forcément ça. Donc en fait, c'est simple. Donc c'est c'est bonjour. Bon matin. Comment allez-vous? Donc je suis Gandalf 81. C'est après que ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est bienvenue pour ce cinquième apéro original. Qui arrive directement dans vos oreilles. Il fallait broder un peu. Autour de la table, donc, deux personnes. Donc, il y avait Azertov, maître de maison. MC Azertov. C'est ça, l'autre, le maître de maison. Et Asto. Et merci pour cette écoute. D'accord. Ouais, donc, du coup, c'est un petit peu un spécial Japon. Hein. Voilà. Voilà. Une petite introduction en japonais. Je pense que des gens qui ont fait du japonais sont morts. Des gens qui ont fait du japonais n'ont pas compris. Japonais du Sud. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Parce que je t'ai piqué ton intro, du coup. Parce qu'en fait, il a tout chamboulé, il avait tout préparé et tout. Ouais. Donc, du coup, c'est plus comme avant, un présentateur et un dossier d'une autre personne et un quiz d'une autre personne. C'est fin du game. Et du coup, en fait, c'est tout chamboulé. Donc, du coup, ensuite, pour rappel, on est toujours diffusé sur Pod Radio. Enfin, normalement, je n'ai pas été vérifié, mais... à des heures et des jours aléatoires. Voilà, donc on est sur Pod Radio. Et ensuite, il y a un petit truc qui se déroule du 29 et au 30 octobre. Mais qu'est-ce quoi donc? Podren. Ah. Donc, voilà. Mais ce serait pas l'événement podcast de l'année? Je dirais pas l'événement podcast, mais c'est un événement de podcast qu'il est bien d'y aller. Tu le vends pas assez bien, moi je trouve. Non, mais c'est très sympa. C'est convivial, c'est gratuit. Ah. Et faut s'inscrire juste. Et c'est à Rennes, c'est ça? Et c'est à Rennes, ouais. Oh, c'est formidable. Sinon, ça s'appellerait pas Podren. Ça aurait été drôle. Donc pour s'inscrire, donc, c'est sur le site badgeek.fr/podren. Voilà, pour s'inscrire, c'est gratuit. Et on peut s'inscrire en tant que podcasteur et en tant que poditeur. Et il y a aussi une podjam, comme l'année dernière. Donc c'est un petit atelier de création de podcast. Là, je crois que c'est le samedi, on fait d'abord la première partie de création, constitution des équipes, et on passe le dimanche. D'accord. Voilà. Ouh, c'est dangereux, ça, de passer le dimanche. J'espère que ça ne va pas le dimanche matin, parce que c'est dangereux. Je sais pas, après. faut voir sur le planning. Et les PPA. Et ah oui, il y a aussi les Pod Radio Podcast Awards qu'on va participer. Enfin, quand on aura enregistré notre petit truc après cet enregistrement-là. Quand on sera bien bourré. Donc, voilà, ça risque d'être un petit peu drôle. Un petit peu rigolo. Ou pas. C'est pas. Donc voilà. Donc ensuite, bah, je redonne la main au présentateur. Au présentateur en folie. Donc, comme nous l'avons dit, c'est un spécial Japon, parce que récemment, j'ai eu la chance et l'honneur d'aller au Japon. Et donc, à cette occasion, j'ai ramené 3 bières. Parce que pour cet épisode, nous sommes redevenus à 3. On nous a lâchement abandonnés. Ouais. Malheureusement. Bon, cause de Pokémon Go. Hein. Bien sûr, nous, évidemment. On est comme ça, nous, on balance les noms. Alors que c'est même pas encore sorti, hein. Bravo. Hein. Ah, bravo. Bravo les pirateurs. Ouais. Je vous jure. Non, j'ai ramené des bières d'une... Alors, on va essayer de lire le nom du brasseur. Sinusiu Anna Beer. C'est ce que je vois, parce que le première lettre, je ne vois pas ce que c'est. Si tu vois ça écrit où? Ah non, tout en haut de là. En haut, bah moi j'ai Kyukiri. Montre. Ocean Beer. Là. Ah d'accord, et toi tu vois? Ah c'est peut-être le. Je sais pas. Ah toi tu es peut-être pas le même, tout à fait. Ça va être une brasserie un peu différente toi peut-être. Je lis Ono et Beer à la fin. Après c'est du Kankiku Blueberry Company. Blueberry. Blueberry. Il y a même le numéro de téléphone et tout, oui. Non, c'est de la bière japonaise du Japon, là, la vraie. Ouais, import ex tout, hein. Import ex tout, ouais. Et c'est, vous avez même regardé, c'est marqué en anglais à côté. C'est, ouais. Moi, c'est une blonde et c'est une Misty Gold with. Pour. Misty Gold, pour. With a line head, this crisp and refreshing pilsner, eating bread like a fruit bitter, hold with a malty aroma. Donc voilà, donc c'est des bières de brasseur. Alors c'est un brasseur de Shiba, donc c'est côté. Si vous voyez Tokyo, c'est de l'autre côté de la baie en fait. Voilà. J'y suis allé en faisant le parc. Comment il s'appelle déjà? J'ai plus le nom, c'est pas trop grave. Ah si, c'était le Mont Nokogiri, voilà. D'accord. Et j'ai croisé ça en. Par contre, je me suis dit, bon quand même, faut bien ramener quelque chose. Donc c'est des 33. Moi j'ai une blonde et je vais la décapsuler. Le décapsuleur du destin est déjà entre mes mains. Hein. Les voitures nous emmerdent! Oui. Vivement qu'on ait un vrai studio. Ça m'a fait rire, ça m'a tellement fait rire. Il a failli avoir une catastrophe quand même. Alors j'essaie de faire la mousse à la japonaise parce que ça je l'ai noté. Le japonais, il a où là, oui? Un peu trop la japonaise là. Alors pendant que tu te sers ta bière, est-ce que tu peux nous expliquer le nom choisi pour ce cinquième enregistrement? Ah, mais ça on y est, pour peut-être choco. Revenir. Le choco en fait c'est. Alors je suis pas sûr à 400%. Parce que c'est un peu compliqué, parce que le japonais aime tout ce qui est très cérémoniel, et il aime bien décliner du coup un objet pour différentes... Non, c'est l'une des une espèce de, les petites soucoupes qu'on utilise pour boire le saké. D'accord. En fait, voilà. Parce qu'en fait, il y en a plein, il y en a pour les trucs formels, informels, ainsi de suite, quoi. Donc là, donc, j'ai servi ma bière. Donc, alors, voilà, je voulais faire donc un petit... avant de passer le décapsuleur au chef de maison, voilà. Oui. Le japonais aime la mousse très. Alors là, on peut pas le faire. Très onctueuse, donc ils servent la bière très à plat. Ouais. Qu'elle ne fasse pas de mousse. Et au dernier moment. Hop, ils relèvent. Ils relèvent, non, et ils mettent du gaz carbonique et du coup ça fait une mousse super compacte. D'accord. Donc ils aiment quand il y a un gros pouce de. Oui, mousse. De mousse. Ok. Quant à moi, donc, c'est une stout. Ça va rentrer. C'est une 33, ça va rentrer dans ton verre. Donc moi c'est une stout, donc ça veut dire que c'est du torréfié. Donc voilà, donc c'est on a torréfié le houblon et tout ça. Donc c'est des aromates de café et un petit peu. Hop. Toutes les rageux. Un bon kawa. Ah, joli. C'est ça. C'est du pétrole. Pétroléum. Couleur pétrole. Tu vas manger et boire en même temps. C'est ça. Non, mais c'est pas une épée. Hein. Non. Oh, mais c'est pour la vanne. C'est pour la vanne, quoi. Hop. Pile. C'est beau comme tout. Ouais. Joli, joli, ouais, joli. Et c'est, en tout cas, bah, c'est bien noir, c'est bien opaque. Hein, on voit pas à travers. On va faire des photos. On va entendre le bruit des photos, mais c'est pas grave. Mais si, c'est vrai. Alors, quant à moi, j'ai donc la bière blanche. Qu'elle est tellement onctueuse que ça en est truly remarkable. Ah, ça n'est écroulement remarquable. Ah, il faut les prendre en photo parce qu'on n'est pas prêt de les revoir, les enfants. Et non. Malheureusement. Je ne dis pas que je ne vais pas y retourner, mais. C'est pas le problème, c'est pas ça le problème. Sache que si tu y retournes, tu ne seras pas seul. Ah. Oui, on s'organisera pour tous y aller. Hein. Il y a intérêt. Hein. Ah, je t'avais bien dit que ça ne rentrait pas. Ah ouais. Ah. Ouais, c'est peut-être une 25 alors, ton R. Et bah la vôtre. Et hein. Bah ouais. La vôtre, allez, on va. Je ferai une petite photo après de ta bière, il faut s'en rappeler. Oh putain. Ah oui. On sent le café, hein. Oh, là, et du coup, chose qu'on fait jamais, c'est que je pense qu'on va pouvoir essayer d'échanger nos verres pour essayer de goûter. Ouais, les... Il m'en reste encore un peu, donc. Ah bah moi j'ai tout vidé, donc. Il m'en reste environ un tiers de truc. Donc. Non, moi les. Hop. Ouais, mais les. Oula. C'est chouette. Mais sinon, on peut faire tourner les verres. En effet. On va tous choper la maladie des autres. Hop. Attends, on va tourner comme ça. On fait tourner à droite. Tu vas voir, elle passe toute seule, hein, la blanche. Ouais, elle est chouette. Bah ouais, elles sont quasiment rien. Mais après, faut dire que j'ai le. Je reviens. À mon avis, faut se nettoyer le palais après la soupe parce que j'ai encore le goût. Ouais, pas de soucis. Ah ouais, les. Tu sens bien les notes de café et. En fond de gorge, là, ça commence à piquer, là. Elle est bonne. Hop. Ah, moi, la blonde, j'ai trouvé très. Très fumée par. Très parfumé. Bruit de photo. C'est très sonore et très bûchon. Elle est parfumée, mais elle est légère. Ouais, c'est ça qui est bien. Vous voyez, les enfants, on vous fait profiter de la bière japonaise que il est fort probable que vous ne boirez jamais. Mmh. Parce que là, celle-là vient vraiment de loin. Ceci, c'est comme on ne peut pas vous donner les noms parce qu'on ne sait pas lire. C'est pas lire. Bah, je pense qu'au-dessus, ce qui est en arc-en-ciel, c'est le nom de. Ouais mais c'est une écriture, j'arrive à lire O-U-S-Y-U, mais la première lettre, j'arrive pas à. Je ne suis pas bourré. Hein. Et c'est là le drame, donc je fais passer les vers du destin. Ah oui. Après, il y a quelque chose, encore une lettre que je comprends pas avec marqué Ono, et après il y a marqué Bier. Et je veux pas le verre au fond là, mon Dieu. Oh, ça sent le café. Putain, mais... Alors sinon, je dirais plutôt que c'est Anna. Ah, c'est Anna? Parce que peut-être. Le O, t'as un O sur le premier mot. Ouais, c'est peut-être des A, ouais. Elle sent le café. Ouais. Pas de blague. Nous, je me la refais parce que j'en avais pris non plus. Hey, par contre, c'est la. Du coup, j'ai la tienne. J'ai appelé la ouais. Pisse là. Hein. Ouais, faut aimer les bières au goût de café, on va dire. Ah, c'est pas forcément le café, c'est que par rapport aux autres, elle est vachement plus forte. Oui. Ouais, bien sûr. Ouh! C'est moi qui l'ai le. Ah non, c'est pas. C'est... Non, toi, t'es le. Non. Ouais. Elle est là, la stout. C'est ça. Non, mais je redis. Alors, moi, elle ferait 5, visiblement. Ouais, 5. Moi, elle fait 7. 7%. Ah, suite, ouais. Non, c'est pas. Le Japon, ils ont pas de bière trop trop forte. Ouais. Les Asahi, les Sapporo, les. Par contre, la tienne. Kirin. J'ai l'impression. Elle est chouette, hein. Elle est chouette, puis elle a un goût de miel. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que je cherchais. Je cherchais la note, au fond. Mais ouais, elle est. C'est vrai, on va finir par la chercher, je pense. Elle est chouette, hein. Ouais. Si j'avais su, vous savez. Elle est bien légère, donc du coup, ouais. Hop. On retrouve passer. Nos verres. Nos verres d'origine. Comme parce que maintenant, j'ai réglé l'appareil photo. J'ai réglé l'appareil photo comme il faut. Ah, maintenant, j'ai le goût de. T'as le goût de café. Tu veux te rincer peut-être la bouche Je vais aller me rincer le palais un peu. Ça sent le kawa. Ouais. Mais elle est pas en fait. Non, mais elle est chouette, hein. Ah, bon, vous voyez, les enfants, on fait des petites découvertes. Non, la blonde, elle est orange, franchement. Je suis vraiment épaté. Super note. Bon, continuez les photos. Oui. Parce que c'est pas très sonore les photos. On les gardera pour plus tard. Et donc maintenant, alors on a ouvert des bières, mais j'ai ramené aussi avec moi, tant qu'à faire. Donc j'ai ramené ce qui me paraît probablement du saké, parce que je sais pas ce que c'est. Pareil. Quand tu sais pas lire, je crois que c'est du saké par rapport au site. Et surtout, j'ai ramené du whisky Suntory. Et c'est du The Shita, donc c'est le dernier. Alors c'est un blend, non? Ah non, c'est un single blend, pardon. C'est la dernière production qu'ils ont fait. Je crois qu'elle est en. On peut l'acheter depuis 2014 ou 2015, à peu près sûr. Parce que sinon, il y a le Yamazaki et le. Comment il s'appelle? Le Ibiki. Je suis Suntory qui sont vraiment pas mal. Bon, celui-là aussi, on va en profiter pour le goûter. Goûter. Mais d'abord. Ah, il va. Il sort son le bandana. Il faut faire une photo avec le bandana après. Parce que, ouais. Est-ce que tu pourras me faire une photo pour Twitter pour annoncer ce podcast d'anthologie que nous sommes en train de tourner. Si tu veux, alors du coup, vas-y, tu peux meubler avec Ikea, Consorama et compagnie. Je vais meubler en ouvrant le. D'abord, je fais le nœud parce que moi, je suis pas bon à un nœud. Enfin, on s'est compris. Ça y est, explicite. Mais attends, on a mis du temps pour le faire en explicite. Donc, je vais ouvrir devant vos yeux ébahis, devant vos oreilles ébahies, pardon. Je vais ouvrir ce magnifique. Alors, je vais pas te faire une bêtise. Parce qu'il faut se lever et. Non, on va meubler en attendant. Donc, c'est une bouteille à combien ça 3000 yens, je crois un peu plus. 3000 yens, ce qui fait. Ça augmente 28-30 euros. Un peu plus, ouais, parce que maintenant, ouais, 30 euros d'ailleurs. Parce que maintenant, il est passé à 1,15 le yen. Donc c'est 1 euro, c'est 115 yens pour l'instant. Ce qui n'est pas un taux bien terrible. Quoi. Mm. Merci le Brexit. Et quoi, c'est vrai, hein. Et voit ce que t'as. Oh, je croyais que c'était un bouchon. Ça se dévisse. Ça se dévisse, attention. Donc on est d'accord, le but du jeu, c'est de se foutre minable. Non, non, je vais pas commencer par moi parce que. Attends, on va faire la photo. Avec... Hop, hop, et hop. Ça, c'est bon. La photo pour annoncer le podcast. Pour dire qu'on est en plein tournage et que ça va mal finir. Bon, les verres sont plus. Pas ouais, ils sont plus frais. Hein. Ouais. Les verres ne sont plus frais déjà. Mais... C'est pas grave. Merci. Oh, elle est bien. Ouais, c'est bon. Tu valides? Je valide. Ok. Donc du coup, pour ceux qui sont en live en ce... Hashtag apéro original. En ce 17 juillet. 16 juillet en presque live différé. Alors, on va teaser la picole. La picole. C'est-à-dire qu'on on sera déjà remis sur nos pattes que... Heureusement parce que... Si vous voyez cette photo à l'instant T, c'est qu'on est en train d'enregistrer. Voilà. Alors, je suis pas du tout whisky, hein, mais. Écoute, moi non plus. Ouais. Donc. Et pas mauvais. Tant pis. Quand faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Non, il est pas mauvais. Bon, faut le tenir un peu au frais, il est pas trop au frais. Putain, j'ai servi comme un cochon et j'ai niqué l'étiquette. Ah bah bravo. Je crois que. On va rester un petit peu à la bière, hein. Je crois qu'on va finir dès pour le tronc Minet, dès pour le tronc Bernard Minet. Ah, ça fait chaud à la gorge. Ah, c'est vrai qu'il tabasse. Je crois qu'il y a de la pomme. Il tabasse vilain, 43. Ouais. Tabasse vilain. On va éponger. Oui, il est bon. Hein. Il est un peu. Il est un peu âpre. C'est le single mat 16 voix. Donc voilà, donc après on garde le sac et bon. Il reste tout ça à boire. On va pas être bien, on va pas être bien. Ça va être compliqué. Oh, le saké, au pire, on le gardera pour l'autre épisode. Oui. Non, mais de toute façon, le saké, c'est à la fin, donc ça sera quand on aura. C'est le digestif. C'est le digestif. Ça sera pendant la pause musicale. Le whisky, c'est l'apéro. Bien évidemment. Après la bière, ça passe avec tout. On commence à faire des photos et tout, on est des dingues. Mais maintenant, j'ai un téléphone neuf. Tu fais des photos ou tu joues à Pokémon Go? Ah non, pas de Pokémon Go ici, hein. Il y a des limites à la connerie. Oh putain, il y a un roucoupe à côté du whisky. Oh merde. Un roucoupe. Ouais. The Chita. Donc ouais, c'est du The Chita Suntory Whisky. Ouais. Tiens, faut meubler parce que. Ikea, tout ça. Oui. Bah après, c'est toi le. Oui, c'est vrai. Qui présente, donc c'est à toi de faire. Hein. Non, voilà, c'est vrai. Donc là, je vous ai fait goûter du. Du bon alcool japonais. J'aurais préféré ramener du whisky le Yamazaki qui est un petit peu meilleur, mais j'ai pas pu malheureusement. Donc voilà. Et là maintenant je vais vous sortir donc le truc que j'avais teasé depuis quelques temps déjà. Donc du coup on part sur le dossier maintenant. On est sur le dossier. Voilà. Ah, dossier. Du coup là le dossier, le jingle tombe vraiment bien. Je pense. Ah! Ma main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors, est-ce que ça tourne effectivement autour du trou de balle? Alors, est-ce que ça... Bien sûr, ça parle autour du trou de balle. Mais juste avant de commencer un peu... Si, quoique, le premier... Alors, j'avais noté quelques trucs de mon retour du Japon et quelques impressions que je n'avais pas eues lors du dernier Quoi qu'il se passe qui sortira un jour. Ah oui. Faut que je le monte. Donc, en fait, voilà, ce dossier est en rapport un peu avec un Quoi qu'il se passe que nous avons fait récemment et qui sortira prochainement. Ou pas. Il devrait déjà être sorti au moment où vous écoutez ce podcast. On espère. On sait pas. Non. Vu qu'on est le 16. Ah, parce que tu veux le sortir avant la fin du mois. Bah oui. Donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est les vacances, c'est pas grave. C'est pas grave. Évidemment, un podcast qui faisait 3 heures et des patates, qui était très enrichissant, c'est-à-dire rempli de bullshit. De conneries, d'approximations. C'est faux. Du podcast, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc j'avais noté quelques trucs que j'avais apprécié lors de mon voyage, mais voilà, j'ai un peu plus calme cette fois maintenant. C'est dossier, c'est culturel, c'est. Ouais. On va dans le fond du sujet. Bien au fond. Oh mon dieu. J'ai déjà peur. D'accord. Non. Déjà, je vais commencer par le truc intelligent avant de finir bourré de chez bourré. Mais bien. Donc là, cette fois, c'est un artiste que j'aime énormément, de Steven Wilson, qui parlait de l'isolation dans la grande ville. Parce qu'il a sorti un album récemment, je crois qu'il est 2015. Donc, End Cannot Erase, où il racontait, il avait été fortement inspiré par un fait divers qui s'était passé à Londres il y a déjà quelques années. C'est une femme d'une trentaine d'années à peu près qu'on avait retrouvée morte chez elle depuis 2 ou 3 ans. D'accord. On l'a retrouvée momifiée, quoi. Non, ce fait divers l'avait excessivement marqué. Et lors de cette interview, il a eu des propos qui ont une certaine résonance pour moi qui allait au Japon. Et surtout, et plus particulièrement à Tokyo, qui est une ville un petit peu embouteillée, un petit peu, il y a un petit peu de monde, tu vois. Il y a un petit peu trop de monde. Il y a un petit peu trop de monde. T'es sur un carrefour là, à Shibuya, tu fais non, quand même. Il y a un petit peu de monde, tu vois. Il y a un petit peu de people. Et donc il a dit, putain, de téléphone de merde, pardon. Non, parce qu'il a tendance à toujours se barrer. Il disait, je crois que si tu veux être invisible, il faut te fondre au milieu de millions de personnes. C'est un moyen de disparaître. Elle est donc devenue très symbolique de ça, la femme qui a disparu, du chaos, de la confusion, de la vitesse, de la vie au XXIe siècle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi fortement ressenti là-bas, quoi. C'est vraiment... En plus, là-bas, ils sont encore plus... On va dire que c'est pas des gens très exubérants. Ouais. Oui, ils changent pas de la masse. C'est voilà. Dans le même moule. C'est ça. Parce que là-bas, porter le masque, la caillou, tout cela... C'est rentré dans les mœurs, donc ils sortent pas forcément trop de l'ordinaire. Surtout qu'en plus, je suis allé à Harajuku, tout ça, j'ai pas vu trop de gens. Comment dire. Extravagants, genre les Lolita et les Lolito, on dit dans le jargon. Donc, et après, j'ai noté un second truc, mais il faut. Alors, c'est un truc, attention, on va croire que c'est du internet bullshit. Oui, mais non. Parce qu'il faut, je pense qu'il faut le prendre au sens un peu plus large. Il faut pas être fermé comme certains aiment l'être sur Twitter. Allez, je suis un peu du troll. Ce sentiment de déconnexion que les gens ont avec Internet est vraiment inquiétant. C'est très facile maintenant pour un gamin d'obtenir tout ce qu'il souhaite sans sortir de sa chambre. Il peut discuter avec ses amis, okay, il parle quand même d'amis, c'est bien. Jouer avec eux, échanger de la musique, de la pomme, ma fille, etc. Je crois qu'il y a une tendance naturelle chez l'homme à devenir passif. La technologie nous donne cette possibilité et peut aussi. Donne cette possibilité, pardon. Oui. On peut aussi facilement devenir oisif. Pour moi, il y a une tendance croissante à l'isolement, à vivre à travers les univers virtuels, ce n'est pas bon. Il y a toujours du oui et du non, mais moi, ce que j'ai surtout noté dans ce passage-là, c'est que moi, d'être allé me confronter, déjà de partir en voyage, déjà, c'est se confronter, déjà, tu peux pas te confronter plus avec le réel que ça. Point whisky, il y en a qui est pas bien. ça va. Je vais le finir. On va le finir, bah, allez. Non, pas cul sec. C'est pas qu'il est. C'est pas que c'est pas bon en fait. C'est que ça me brûle vraiment de la gorge en fait. C'est, Ouais, après, c'est parce que peut-être aussi on n'est pas habitué. J'ai fait cul sec, je suis bien. Dans 2 minutes, tu seras pas bien. En 2 minutes, tu vas bien. Tiens, je suis déjà bourré avec une bière, alors on t'a dit avec un whisky. Ça va finir. Moi, je continue. Donc, c'était une interview qu'on trouve sur un très bon site qui s'appelle aussi, voilà, amarok-mac.com. Donc ils mettent des notes de pas mal de trucs de musique et c'est un très bon site, je tombe dessus par hasard. Et donc je rebondis encore sur cette, sur cette interview. Et je pense que quand même, quelque part, il a un peu raison. Parce que moi, je travaille énormément sur Internet. Je ne vois pas forcément d'isolement des gens. Mais je vois que les gens, des fois, j'en ai beaucoup parlé sur mon blog et tout, ils sont au centre sur beaucoup de trucs, tu vois. On voit des communautés, je parle Gamergate, je parle les Social Justice, je sais plus comment ils s'appellent. Tu sais, les gens qui se défendent. Social Justice, Social Warrior ou... je sais plus quoi. C'est pas des... Bon, à part le Gamergate, c'est un petit peu con comme des balais, mais bon... On va dire que c'est des gens un peu fermés, tu vois. Ils sont dans leur combat. On a l'impression qu'ils scrutent Internet en attendant que quelqu'un fasse un faux pas. D'ailleurs, je ferai un article dessus. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais faire un article là-dessus sur quoi. Parce que j'ai vu une vidéo. Ben, j'espère que l'article sera sorti au moment de ce podcast. Je ferai un lien. Voilà. Où c'était un chercheur, un psychologue. Je sais pas. J'ai pas bien vu son titre. Qui avait des réflexions sur. Il s'était intéressé aux gens qui avaient été bâchés sur Internet. Et il mettait que certains avaient été sortis détruits, parce qu'il y en a qui avaient fait des blagues. Bon, forcément, en 140 caractères, tu as vite fait une blague qui n'est pas comprise ou qui est mal. De toute façon, dès que tu passes à l'écrit, c'est difficile de retransmettre Là, t'as le mot directement, t'as pas l'intonation. C'est difficile d'être ironique, c'est difficile d'être cynique, c'est toujours difficile de. Voilà. Donc, à part mettre des lol à la fin. Comme font les vieux, mais des lol partout, c'est plus drôle. Donc voilà. Et du coup, me suis intéressé à ça, et je pense que c'est plus là qu'il a un peu raison en fait. C'est plus au niveau de. Et moi, du coup, d'être allé en voyage, du coup, voilà, ça m'a confronté au réel parce que je suis parti en voyage. Et d'avoir vu le Japon, j'ai vu le vrai Japon, pas le Japon. Qu'on peut voir à la télé. Voilà. Ou, entre tradition et. La modernité. Il fallait bien qu'on dise ça quand même. La place. Et après, on a parlé du Japon quand même, ouais. Ça m'a fait chier. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était le titre de mon dossier. C'est donc entre tradition et ton expression est à chier. Alors moi, sur le conducteur, ouais, je vois le Japon en lettres de feu. Le Japon en lettres de feu. Et en italique. Non mais hein. je mets pas les vrais titres parce que je veux pas teaser le truc. Oh, toujours. Donc voilà, et d'être allé là-bas, voilà, ça confronte au truc. Mais comme je l'avais dit lors du podcast, finalement là-bas, où l'endroit où j'étais le plus dérangé là-bas, c'est finalement le quartier des riches en fait. Ouais. C'est là où j'ai senti le plus gros décalage. Mais c'est parce que c'était plus social que culturel. Parce que culturellement, bon, comme j'avais déjà dit, la bouffe là-bas c'est pas du traquenard. Ici il y a des plats qui sont un peu plus épicés, mais bon. Si tu vas dans les autres pays asiatiques, tu plains. Donc non, c'est pas le pays du traquenard quoi. Donc j'ai bien apprécié. Et donc là maintenant, voilà, on va passer à la suite de ce dossier parce que j'ai noté plein de trucs par rapport à ce qu'on a sur la table. Et là, je vais sortir l'indispensable que j'avais déjà teasé la dernière fois, donc le hentai. Le bouquin de cul. C'est donc là que ça va tourner autour du trou de balle. Voilà. Ici, le trou de balle, c'est là. Ici, c'est fléché, c'est indiqué, c'est pointé du doigt même. Donc, voilà. Vous pensiez y échapper, mais non. Non, et essuyez-vous bien les doigts parce que après, il va falloir s'essuyer comme ça. Oui, donc, parce qu'en même temps, on est en train de manger du saucisson au piment d'Espelette et qui est bien gras. Donc, déjà, je sors le premier qui est le plus dégueulasse. Parce que l'un des plus dégueulasses. Oui, ça a l'air très dégueulasse. Oh, c'est du loli, non? C'est du loli. C'est pire que du loli, là. Parce que... donc, elle a l'air encore plus jeune qu'une loli, là, tu vois. C'est une petite enfant avec un sac de pommes de. Avec un sac de chup qui est très très légèrement dévêtu, ce qui veut dire qu'elle tient le haut n'est là pour rien. Et dessus, visiblement, c'est mouché très fort. Quelqu'un lui a mouché très fort dessus. J'aurais dit éternuer parce que mouché. Ouais, c'est vrai. On sait pas, ouais. Donc, voilà. Donc, je vous laisse regarder la chose. vous me direz ce que vous en penserez finalement. Je pensais le prendre un minimum soft par rapport à la couverture parce qu'il y a des couvertures bien plus dégueulasses. Ouais. Et vous verrez que dedans, finalement, il se rattrape bien. Il se rattrape bien. Il se rattrape comme il faut. Salaud. Allez, donc maintenant, je sors le second bouquin, qui est aussi d'anthologie. La quatrième de couverture est vraiment pas mal quand même. Il y a des petites scénettes. Ouais, mais je voyais ça en bulle rond, avec une petite fille qui fait genre oups, pardonnez-moi, avec la main devant la bouche. Hein. Donc second bouquin, voilà. Donc déjà, on a une femme qui a visiblement qui a suivi de multiples amputations. Oh putain. J'avais pas fait gaffe à ça parce que vous verrez, c'est la quatrième de couverture qui m'a attiré. C'est de suite tapé dans l'œil. Donc elle est plutôt mignonnette, c'est plutôt bien dessiné, c'est joli. Et la quatrième de couverture, attention. Et là. Regardez ça, monsieur. Eh oui. D'accord. que c'est, non, c'est donc une jeune femme qui se fait attraper par un gros molosse, pas un gros chien. Et c'est ça qui m'a plu. Bien évidemment. Ah, un gentil monsieur. Voilà, un gentil monsieur. Coucou au podcast. Hein. Podcast. Bon, c'est ça qui m'a tiré. Et parce que ce bouquin, du coup, c'est là la blague que je t'avais teasé hier quand on était en voiture. Mm-hmm. C'était des étiquettes qui étaient quoi? C'était des étiquettes 30 millions d'amis. Ouais. Donc j'ai trouvé que ce bouquin n'était pas très Mabrouk. C'est pas très Mabrouk. Voilà. Donc c'est le chien qui est mort 50 fois dans 30 millions d'amis parce que les chiens ça vit pas longtemps. Donc je laisse le monsieur. Le gentil libre. Regardez le. Oui, bah excuse-moi, préfère les petites filles aux chiens, quoi. À noter qu'il y a une histoire. À noter que dans ce manga-là, il y a aussi une histoire avec des femmes vaches qui sont niquées par un monsieur taureau. Autant te dire que le monsieur taureau, il est. Il y a des proportions qui sont assez avantageuses, on va dire. Oui, non, de toute façon, on peut pas juger, c'est culturel. Hein. C'est culturel, ouais. C'est très culturel. Ah, la première page, il y a un monsieur avec une culotte sur la tête. Ça, c'est japonais aussi, ça fait très bien. Après, comme troisième livraison, là, j'ai un truc un peu plus soft. Ah. C'est l'amateur de vrai hentai, il a des noms, tu vois, il a des références. Mais c'est vrai, je ne rigole pas. Et donc, j'ai ramené un hentai. Ah, c'est vrai qu'elle fait très jeune. Ça fait très jeune et bizarrement, donc c'est du hentai qui est censuré. Ouais. Et bah là, j'ai une page où on voit clairement. Ah, mais ils ont oublié, c'est pas grave, personne vérifie. Ils ont pas trop censuré en fait. C'est okay. Moi, tu vois, je croyais qu'il était pas censuré, en fait, si, mais c'est des petites bandes blanches. Mais, du coup, ça censure encore moins que les bandes noires. Le Japon. Donc là, j'ai ramené donc un hentai de. J'ai même pas ouvert tellement je le respecte énormément. De Yamato Gawa. Donc c'est un auteur très connu, donc c'est... déjà on voit les dessins, on se demande, on voit que le hentai ça marche là-bas parce que moi j'aimerais dessiner comme ça 1000 fois. Et moi c'est bien dessiné, là vous pourrez vous l'ouvrir si vous voulez. Oh, bah, la plupart des auteurs de manga ils sont passés par le hentai. Hein. Bah, ouais. J'y reviendrai d'ailleurs après, bah, j'ai noté. Ne dis rien, j'ai noté. Je pas de spoil, ok. Pas de spoil du dossier. Donc ce monsieur dessine excessivement bien. On retrouve ses productions chez Taifu Comics, ils en sortent quelques-uns. Il y en a un qui sort d'ailleurs au moment de ce podcast, quand il sortira à peu près. Mais c'est celui que j'ai entre les mains d'ailleurs, c'est Vanilla. Je sais pas quoi. J'ai plus le nom en tête. Du coup, je l'aurai en japonais et en français. Voilà. Comme ça, tu peux vérifier la traduction. Je peux vérifier. Oui, je ferai une très belle vérification de la traduction. Et donc. Et là, c'est du manga, ça va encore. Il n'y a pas trop de viol, il n'y a pas trop de. Ça reste soft. Parce que celui-là, Il est fort de café. Il est comme la stoute, il est fort de café. Ouais, c'est ça. C'est... On va dire que ça picote un peu. Hein. À noter que ma déception sur tous les mangas qu'il y a, peut-être le Yamato Gawa, je pense qu'il y en a, parce qu'il n'y a pas trop d'anal. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse. Quand même, parce qu'il y a du respect. Je crois que je suis sur les Madame Vache. Ah, alors les Madame Vache, j'ai pas compris le délire. Ça m'a... Déjà le chien, j'ai moyennement compris le délire. Mais bon, j'ai passé au baron, donc forcément... Ouais, c'est des gens. Quand on passe au baron du podcast, on comprend tout. C'est-à-dire que. Elle se fait prendre en levrette, mais elle crache. Ah ben le monsieur taureau. C'est quand même que le monsieur taureau. Et il est bien monté. Hein. Le monsieur taureau. Le monsieur taureau, quoi. Le, t'as une angine. T'as une angine et il te prend par derrière, t'as plus mal, quoi. T'es mort. Ça me gratte dans la gorge. Donc ça, je laisse traîner. Tu veux peut-être. Ouais. Ah, je vais peut-être pas l'ouvrir quand même. Non, tu peux, hein. Enfin. Après, par contre, voilà, celui-là est déjà ouvert. Il est déjà ouvert et les pages sont toutes collées. A noter que c'est des bouquins d'occasion et les pages n'étaient pas collées, ma déception a été totale. Donc, alors là, c'est pareil. Donc, c'est un manga un peu divers, il y a marqué sexe dessus. C'était bien dessiné, c'est pour ça que je l'ai pris. Et alors, il y avait la Japan. Ça s'appelle comment ça déjà là, les. Qui sont un peu mal quittés, qui sont très mat de peau. Les Kagaru ou. Ah. Je sais plus. Je sais plus non plus. Non, là, une japonaise. Oui. Très, très mat de peau. Il y a du boobs, en voiture, en voilà. Et ça se voit d'ailleurs sur la quatrième de coup où il y a du. T'étouffes pas, respire, bois un coup. Tu étais où? À part avec les vaches taureaux. Ah oui, c'est dégueulasse et j'ai pas compris le principe. Je crois qu'elle s'est faite sodomiser. Oui, parce que le gosse sort du cul, je sais pas quoi. D'accord. Alors comment, non mais c'est culturel, on peut c'est pas juger. Culturel, ouais. On peut vraiment pas juger. Non, je ne juge pas. Et donc celui-là, c'est alors derrière ça m'a plu. Il y a Egal, France, je dis pas, et Ebitch, j'ai pas compris non plus. Et donc c'est pareil, elles se font. Ah oui, mais quelqu'un qui sort de son cul. Oui, d'accord. Ah, mais c'est ça, tu vois, voilà, j'ai pas. Elle est en train d'accoucher. C'est excessivement culturel. Dans les nunes aussi, dans ce manga, ça plaira aux âmes qui sont autour de la table, elle se fait chiquer par un otaku. Et visiblement, elle apprécie. Parce que, bien évidemment, le viol est toujours apprécié au Japon. Hein. Nous ne mentons pas, dans le hentai, on va dire que c'est très imagé. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Ah ben voilà, elle vient d'accoucher, c'est bon. Ça en reprend une rasade, du coup. Allez. Ça reprend une rasade. Tu vois, tu es pas tombé sur le chien encore. Non. C'est un peu après. Non, Et le pire, c'est ça, il est toujours pas tombé sur le chien. Il se réserve. Êtes-vous tombé sur de l'anal? Pas encore. Toi, tu en auras là. Cette histoire, tu en as, mais c'est par défaut. Sur le loli, j'en ai vu passer un peu. Ah bon? Oh, merde. Ah merde, c'est une histoire de yaoi. Mais non, c'est pas intéressant ça, c'est nul. C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah oui, mais avec c'est les cheveux courts. Cheveux courts, tu ne me respectes pas là. Non, mais c'est que j'avais femme avec les cheveux courts. Je n'avais pas compris que c'était une femme, je suis désolé. Ouais, elle a un petit peu dégoumi quand même. Elle est gaulée. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Elle est gaulée un peu. Bah en fait. Elle est gaulée mignonnade quoi. Y a qu'un plan où tu la vois en entier quoi. Ah oui, c'est vrai que dans les hentai, des fois, on va vite en besogne, comme on dit. Une page, allez hop, c'est fini, mais pas dans la première page. Oh, bah comme dans celui que tu nous as montré pour le quoi qui se passe, hein, en dernier chapitre, 3 pages. Hein. Ah ouais, 3 pages. celui-là, les histoires sont beaucoup plus longues. Ouais. Ah, mais j'en avais. Ah, mais oui, celui que j'avais donné à. Ah oui, oui. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il est vite en besogne. Hein. Celui-là, c'était un peu. Donc, en attendant que vous. Ah, oui, que vous reluquiez ces trucs, j'ai trouvé un dossier de hightech.fr. Qui est un petit dossier sur les hentai. Donc je cite: viol, inceste, relations sexuelles avec de très jeunes filles, le hentai aborde des sujets qui choquent. Ah bon, en Occident. Très étonnant. Pourquoi le choc n'est-il pas le même au Japon? Il y a plusieurs explications possibles. Je vais pas trop mettre mon téléphone devant le micro quand même. En effet, la culture japonaise est très tolérante en termes de relations sexuelles, tant que le côté fictif de l'acte est clairement identifiable. Il faut dire que les gars ont des kékettes de 45 cm. Ouais. C'est visible. De diamètre, hein, 45 cm. Oui, c'est vrai, plutôt. Ainsi, la mise en scène d'un viol ou de l'extrême jeunesse d'une partenaire sexuelle sont acceptées tant qu'il n'est pas spécifiquement mentionné. Mentionné que la jeune fille est mineure ou que le viol est mis en scène dans un jeu sexuel clairement identifiable. Étrangement, la censure a également été à l'origine de certaines dérives du hentai. Jusqu'aux années 90, la loi en termes de représentation d'actes sexuels est très floue. Et la principale interdiction concerne une trop grande ressemblance avec la réalité. Il y a des pages couleurs. Non mais je dis, c'est des jolis bouquins. Ils arrivent quand même à faire des bulles quoi. Ça fait plein de bulles. Le monsieur, il jouit beaucoup quand même. Hein. Voilà le chien. Ah. Très beau, l'histoire est bien en plus. Merde, on va faire par croire que, bon bref. Que tu les as déjà lus. Je les ai lus, pas tous, parce que là on vient de l'ouvrir. Donc, Et la fille a l'air très jeune aussi. Ah oui, la fille est très jeune. Bon, celui-là c'est un peu dégueulasse, ça se fait choper par un gros molosse. Oui, parce qu'après, 6 ans après, tu vois qu'elle a l'impression qu'elle est cadeau. Parce qu'à la fin, tu verras, c'est un peu dégueulasse. Donc, il ne faut pas que ça ressemble, une trop grande ressemblance avec la réalité. De ce fait, on comprend plus facilement l'apparition de poitrines complètement démesurées, de sexe immense, et parfois colorées. D'où les tentacules aussi. La dérive vers les tentacules devient ainsi logique. Bravo, tu as bien que tu matisais le truc. La représentation d'une scène de viol ou d'inceste évite donc la censure en modifiant la réalité. Parce que toute personne se fait violer dans la vraie vie. Oui. Attends, on est pas fou. Hein. C'est ainsi que les bases du hentai se sont fondées. Au final, le hentai est une branche à part entière de la culture manga, animé et jeux vidéo japonaise. Elle n'est toutefois pas symptomatique d'un pays, sauf peut-être pour le coup les tentacules. Et au même titre que la perversion, elle est juste moins tabou au Japon que chez nous. Sinon, autant te dire, on lit ça chez nous. Ils le mettent à un moment, on peut lire ça. Tu lis ça dans le métro au Japon, voilà. Oui, ça, on va dire que ça peut passer. Ça peut passer. Chez nous, autant te dire que... Ah mon Dieu ! Surtout si tu sors celui avec la petite fille. Oui. Là, je pense bizarrement, que... ça passe moyen, quoi. Mais au pire, si c'est des gens de l'église qui te disent ça, tu fais « Oh, le curé, moi je t'en pas ce qu'il fait. Hein. » Merde. Hein. Donc... après, j'ai noté sur un autre article, je mettrai les liens, je pense aussi, des mangakas célèbres, ou plutôt bien connus quand même, qui ont fait du hentai avant ou qui font encore. Voilà. Donc, j'ai noté Rei Hirohe, qui fait Black Lagoon. On sait pas trop où on est, mais c'est pas grave. J'ai noté Kenichi Sonada qui faisait Guns Mins 4. Alors vous verrez, il y a certains mangas qui étaient très 80. Ouais. Il y avait les mangas 90. Les mangas 90, c'était toujours un peu tendancieux des fois. Ah. Donc Guns Mins 4, ça en faisait partie. Il y avait du cul déjà dedans. Toata Hirano qui fait Helsing. Ken Akamatsu qui fait Lovina. Et qui a fait un truc j'ai trouvé. Bien dégueulasse, Sakura, Cardcaptor Sakura, pardon. Oui. Et il y avait de l'anal dedans. Oui, j'ai lu qu'il avait fait ça. J'ai pas lu. Ah, tu as lu. Je l'ai lu. J'avais déjà lu que Ken Akamatsu avait fait un doujin hentai sur Cardcaptor Sakura. Et il est un peu dégueulasse. Il se fait enculer comme ça direct. En fait, oh mon dieu! Alors, bien évidemment, on sera en explicite. Hein. Ah, voilà. Ah, mais j'avais dit que je voulais être explicite, prime. Après qui j'ai les Masaki Ijima qui faisait Tenchimuyo. Couleurs en plus quoi. Tenchimuyo aussi c'était dégueulasse aussi, c'était un peu tendancieux. Toshiro Ono qui faisait The Electric Tales of Pikachu, donc qui faisait du truc Pokémon, mais qui a fait quand même à côté Anal Justice. Oui. J'ai noté parce qu'il y avait Anal et ça m'a fait rire. Et après quand même voilà, il y avait ces deux auteurs quand même qui sont connus et il y avait même Mine. Yoshizaki qui fait Keroro. Quand même. Keroro. Ah. Tu sais la petite grenouille là. Oui, grenouille verte. Keroro. Ouais. Keroro. Parce que le R ça te présente. Oui, bon, et merde, oh Keroro. Voilà. Et Go Nagai qui faisait quand même Mazinger Z. Déjà, c'est un peu tendancieux ce qui paraît déjà. Il y avait déjà un peu de. Ah, tu es tombé sur celle qui fait du foot. Oui. Mais elle me plaît parce qu'elle a les cheveux courts. Ah mais c'est la vérité. Par contre c'est un peu anal par défaut parce qu'ils sont plusieurs. Et ça j'ai trouvé ça un peu dégueu. Ah ils sont énormément hein, parce qu'elles chargent. Je crois que toute l'équipe est passée dessus. Hein. Même les remplaçants. Même le porteur d'eau. Et le presseur d'orange. Putain, elle est drôle ta blague, me plaît. Donc voilà, c'est 4 mangas. Je vais en profiter pour regarder vite fait le... Parce que je l'ai pas regardé. Celui qui était ouvert. Celui qui était pas ouvert. Ouais. Encore sous blister, pour vous dire. Non, mais vous voyez, les Yamato Gawa, c'est plus sensuel quand même. Toi, il y a un truc un peu plus... Et du coup, t'as même pas parlé du... ceux qui ont fait Air Gear. Ah oui, comment il s'appelle Great ou... Great, oui, il en a fait. Oui, je l'ai pas noté, mais ouais. Enfin, il en a fait, c'est un regroupement d'auteurs heureux. Ouais. Ah, d'auteurs heureux. Ouais. Ah oui, c'est vrai que oui, les FM, les amis aussi, on lit. Alors que chez nous, frère, oh mon dieu. Déjà que nous, les mecs, on nous regardera en nous disant « Oh mon Dieu !» Alors c'est bien celui-là, à la fin de chaque histoire, tu as la photo de la fille avec des mensurations. Ah. Des mensurations qui n'existent pas trop dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle doit avoir des seins plus gros que sa taille, je pense. Oui. Mais sa taille en hauteur. Pas la taille, pas le tour de taille. Presque. Presque. Ah, celui-là, il se fait sucer en regardant les étoiles. C'est quand même pas banal. Voilà. Elles sont quand même très voluptueuses quand même, elles ont des mensurations qui font... Je suis tombé sur le chien. Ah, la cabane est tombée sur le chien. T'as sauté les madame vaches alors. Non, je suis tombé dessus. Mais... Il a préféré ne rien dire, il a pas de commentaire. No comment. C'est vrai qu'en plus encore, Yomatagawa c'est vraiment bien dessiné parce qu'il n'y a pas aussi des poses que tu comprends pas. C'est quoi qu'il y en a un peu là, mais des fois les filles elles sont un peu... Et je trouve pas le bon mot. Ouais, non, ça fait quand même un peu peur. Hein. Ah, ben je l'ai pris exprès. Hein. J'ai pas exprès. Hein. Bah, le truc avec les gosses, c'est très local, quoi. C'est la passe à chez nous, quoi. Mais vraiment. Alors, la passe à chez nous. Déjà, nous, quand on est des. Tu sais, il y a des peintures qui se font accuser, tu sais, des peintres plus, de faire déjà des enfants à poil. Alors, ça siffle. Là. En plus, c'est des cases beaucoup plus grandes que les autres. Et puis des fois, c'est plein de petites cases, et là, c'est que des grosses cases. Et puis des fois, elle est jeune, mais très. Oh, une Madame Tron. C'est la meilleure histoire. Oui, mais celle-là, j'ai zappé un peu. Enfin, à la fin, j'ai... Ouais. Ah, la Madame Histoire, c'est la Madame qui est sur la couverture. Ouais. Mais la Madame Tron. Mais la Madame Tron, elle est mignonne, hein. Moi, je trouve. Oui. Ça pourrait être Mago, hein. Ma waifu. Ta waifu. Ça pourrait être ma waifu, j'irai, hein. Ouais, alors celui-là, c'est quand même un peu... Non, celui-là, il est très particulier. Celui avec le petit enfant. Et encore, j'ai vu des nez avec des couvertures bien plus dégueulasses. Est-ce que je suis tombé sur internet en faisant les recherches là? Je suis tombé sur un truc bien plus dégueulasse que ça. C'est là que tu dis c'est quand même fort. Non, voilà. Donc, ça c'était le hentai. Je sais pas combien on en est. Non, mais tu peux enchaîner, il y a 40 minutes. Non, ça va, on est bien. Et donc là, maintenant, on va enchaîner avec ce qu'on a sur la table. Donc, on avait le whisky, le saké, qu'on n'a pas testé, et le wasabi. Je ferai un petit commentaire là-dessus. Et ça, c'est juste un petit En tout cas, les gâteaux apéro au wasabi, sont super bons. On dit wasabi ou wasabi? Wasabi. Wasabi. C'est pas français. Comme Osaka. Donc, du coup, il n'y a pas de zé. Tu dis Osaka? C'est Osaka. C'est pas Osaka. Osaka. Voilà. C'était juste pour le... Donc, je vais vous parler de... Alors, c'est pas le whisky qu'on a sur la table. Hein. C'est, voilà. Ah, quoique l'étiquette est whisky. Allez, à l'autre. Ah, mais moi, je l'ai fini, ça y est. Je veux le finir. Ah, moi, il y a un fond. Il y a un fond. Allez, hop. On est des adultes. Pas que sec. Hein. On est des adultes pas responsables. C'est bon, je peux piquer du saucisson. Il passe vachement mieux. Et t'as vu? T'as vu? Mais il faut s'habituer un peu. C'est un peu de la pétence en premier goût. Donc, je vais vous parler de Yoichi, le whisky japonais tel qu'on ne le fabrique plus en Écosse. What? Du whisky japonais en Écosse? Du whisky japonais aussi au Japon? Et c'est ça que ça m'a très choqué. C'est une phrase qui ne veut absolument rien. Donc, alors, Masan, la fiction romancée de la vie de Masataka Taketsuru, le fondateur de Nika. Donc, Nika, c'est un fabricant, c'est un alcoolier japonais, on va dire. Bon, trop plus tard. Je crois qu'ils font des bières et tout. Et de son épouse écossaise, Rita Cowan. C'est vrai que là, ça fait un couple très, très bigarré. Mm. Donc nous déjà pour rencontrer des écossaises on a du mal, alors imagine un japonais avec une écossaise, ça fait un peu voilà. Mais du coup ça explique le renouveau du whisky japonais. Alors et du coup c'est grâce à cette fiction en fait que les ventes de whisky au Japon, déjà qu'elles étaient elles étaient bien, j'en avais parlé dans le quoi qui se passe, ils aiment bien faire des cocktails et tout avec. Déjà qu'ils étaient en termes de production un peu light, là avec ça, ils sont fait avoir. À tel point vous allez voir que ça a modifié durablement les systèmes de distribution. Alors donc on y produit 4 distillats principaux, non tourbés légèrement et lourdement tourbés, et un dernier plus rond et plus gras élaboré à la base d'une souche de levure maison différente. Voilà, il y a différentes recettes, et dont l'incongruité de notre âge et des alambics en poire chauffée à feu nu, alimentés au charbon. Pour dire, ils sont encore... Voilà. Ça, c'est le truc que je voulais noter. Bon, peut-être que je l'ai mal dit là. Mais ils continuent à chauffer les alambics dans certains trucs encore au charbon. À l'ancienne. À l'ancienne. C'est ça, c'est un truc qu'ils veulent mettre en après. Je sais pas si... La tradition. C'est ça, voilà. Au Japon, c'est ça qui est fou. La tradition, elle a toujours un poids immense. C'est-à-dire qu'on voit encore des chapeliers, on voit encore des qu'est-ce qu'il faut les chaussures, des cordonniers. Là, t'en vois, si tu cherches, t'en vois encore pas mal. Alors, nous, dans nos pays, on rigole. On est parti acheter des Nike. Mais là-bas, ça a gardé une part très importante. Voilà, cette tradition, comme ils disent. C'est pour ça qu'on dit, cette phrase de merde. Le Japon, entre tradition et... Modernité. Et doigt dans le cul. Voilà. Donc, et après, oh, c'est intéressant. C'est un appel au... Oh. Chut, pas des SMS. Donc, au Japon, on achète une marque et pas un ange. Et résume Asukama-san. Donc, c'était celui qui était interviewé pour cette interview qui est de Slate.fr. Les classes sociales à fort pouvoir d'achat s'offrent des marques premium et coûteuses. Quel que soit l'âge de la bouteille, et les classes populaires consomment des whisky bas de gamme. Il n'y a jamais eu suffisamment de whisky disponible pour insister sur l'âge de toute façon. Évidemment, aujourd'hui, cela nous arrange bien. Alors, parce qu'en fait, ne nous regarde pas. Ouais. En fait, voilà, c'est parce que du coup, à cause de la trop forte demande, il y a plus de demande de toute façon que de production. Donc en fait, ils ne peuvent plus. Ils ne produisent pas suffisamment. Ouais, ils sont obligés d'importer. Pas forcément, parce que le japonais aime beaucoup le produit japonais. Ça, je suis sûr et certain. Donc, en fait, du coup, ils ne nomment plus. Ils mettent plus d'âge, c'est-à-dire que pour trouver des 18 ans comme on a trouvé chez VNB, là, c'est pour ça qu'il m'a regardé un peu du coin de l'œil, malgré ces 230€ qui m'ont fait mal. énormément, d'ailleurs. Qui m'ont fait mal au cul. Si, franchement, j'aurais eu les moyens, je l'aurais fait 20 fois. Mais Du coup, ils mettent plus d'âge dans les bouteilles. Du coup, tu te retrouves avec du whisky qui est très jeune. Mmh. Du coup, et quand il est très jeune, t'es plus vers les 45 degrés que vers le, quand tu passes les 12-18. Alors, t'es pas dans les mêmes tarifs, mais tu tombes vers les 40 degrés. Et t'as quand même quelque chose qui est un peu plus défini en bouche. Mmh. C'est pour ça que quand tu vends du Jack Daniel, tout ça, des trucs un peu caca là, c'est un peu vert quoi. C'est un peu. Ça chope un peu au niveau de la gorge. Mais quand même, ils essaient de rester un peu premium quoi. Ils utilisent encore des vieilles techniques, ils utilisent. Moi je trouve quand même on est une terme de production est quand même au-dessus. Mais du coup maintenant bah, pour en trouver c'est un peu chaud. Surtout que j'ai eu des renseignements sur la France où pour en trouver c'est un peu même compliqué, c'est un mot faible. Même si on en a vu, mais pour trouver du 12 de base, qui a à peu près 60. Qui était à 70€ la bouteille, maintenant il va passer à 90€ la bouteille. Alors que là-bas il vaut 40€ grand maximum. Quoi. C'est-à-dire plus du double. Et en plus, avec du mal pour te le trouver. Surtout ça. Alors que là-bas, bon, t'as du mal, mais si tu te débrouilles, tu vas dans le celui que j'avais dit, le Don Quixote, et t'en trouves. Mm. Alors que tu vas dans le magasin de liqueur. Oui. C'est un fuck. Si à la rigueur, tu trouves les alcools japonais à 65 degrés. Tu sais, le truc qui tamponne vilain. Tu sais. Donc voilà, donc c'était mon petit retour sur le whisky. Donc ils utilisent encore des techniques un peu à l'ancienne. Ça peut être intéressant. Pareil, voilà, c'est un univers que moi je commence à explorer. Parce que c'est pareil, c'est très touffu. Déjà que les bières. Oui, c'est bien touffu. Du coup, je vais refaire de la pub pour un podcast. Sur les pochards du web, leur dernier épisode, c'était vraiment sur la dégustation de whisky différents. Ah oui, c'est cela qui. Quand tu regardes comme ça, on va dire, dans le commerce, on va dire. Généraliste, tu trouves rien en fait. Non, c'est des trucs vraiment pas terribles qu'ils ont. Mmh. Si, alors que t'as les trucs qui existent et qui sont. Quand tu regardes les bières, quand tu vas dans n'importe quel supermarché, t'as Heineken, Kronenbourg, ouais. Compagnie, t'as un petit peu. De plus en plus, tu trouves quelques. Mais de plus en plus, ouais. Des trucs. Ça commence à segmenter le marché pour un peu. Ben, c'est là qu'ils font de la plus-value de toute façon sur les bières un peu plus. C'est pareil avec le whisky, hein. De toute façon, après, je pense que je vais pas trop me tromper en disant ça. Déjà, si tu mets pas plus de 30, si tu veux un bon truc, déjà, faut mettre déjà plus de 30€, déjà, tu vois. Ouais. Facile, déjà. Si vous commencez à avoir un truc qui commence à devenir intéressant, qui commence à avoir du relief, du recul, de toute façon, pour moi, c'est un peu la même. Je trouve la même analogie avec les écouteurs de téléphone ou les casques. Tu sais, quand tu prends du bas de gamme, t'as le son qui est très. C'est très plat, c'est très fouillis. C'est un amalgame de plein de trucs. T'as l'impression qu'ils jouent tous sur le même truc, tu sais. Ouais. Et après, plus tu montes en gamme, et plus ça se définit. Même si après, moi j'ai testé au Japon, mais j'ai testé un casque à 300, des écouteurs à 300€ quand même. Ouais, là le son il est quand même. Et j'ai pas trouvé tant que ça finalement. Vraiment ? Ouais. Finalement, mais là j'ai acheté des. Alors récemment j'ai acheté des Xiaomi, c'est des hybrides, je sais pas quoi. Je crois que c'est cette référence. J'en reparlerai de toute façon. Et pour 15€, j'ai été vraiment épaté par le son. Le son est plutôt bas par contre, hein. Ouais. Niveau puissance, on est loin des standards. Mais en termes de définition, c'est quand même autre chose. Tu peux détecter les canaux, tu peux te dire bon là-bas c'est là, tu sens le truc. Quoi. Tu peux gérer mieux la stéréo. Quoi. Donc, pour moi, c'est un peu le même principe. Quoi. Quand t'as un truc qui est trop jeune et trop vert ou trop mal fait parce qu'on met des produits caca, après forcément, on n'a pas un truc terrible. Quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça. Voilà. Donc moi le whisky voilà c'est un univers où je me lance, je trouve qu'il y a des bons trucs. De toute façon tous les autres alcools c'est pareil hein. Le rhum tout ça. Mais quand tu en fait c'est ça c'est truc con parce que quand tu fais les courses au magasin tu vas voir que pas les premiers prix mais les premiers trucs qu'il y a. Ouais. Et t'as pas vraiment on va dire la sélection. Non on dirait qu'ils peuvent pas se permettre de faut aller chez le caviste, encore le caviste aussi faut qu'il soit. Il faut qu'il soit spécialisé un petit peu quoi. Oui parce que déjà rien que quand ils sont spécialisés en pinard déjà le boulot qu'ils ont. Moi je sais que sur Gaillac c'est plus de 100 domaines quoi. Oui. Donc, va connaître son domaine quoi. Mm. Après c'est pareil, comme t'as des gros domaines et des petits, donc t'as plus facilement certains trucs que d'autres. Il suffit que des restaurateurs aillent chez les petits de suite pour trouver des bouteilles, ça devient compliqué quoi. Tant mieux d'ailleurs, hein. Tant mieux. Hein. Pour les bières c'est pareil de toute façon. Hein. Chaque fois qu'on va dans notre magasin favori Vinby, qui sponsorise presque le podcast, on pourrait dire. Vu qu'à chaque fois on prend des bières qui sont quasiment, comme par là cette fois-ci, mais on prend les bières qui sont de là-bas. Donc. Ouais. C'est l'exception aujourd'hui. Oui, je crois que aujourd'hui c'est vraiment l'exception. Donc, bon, même si on est... Moi, je suis sponsorisé Corsen, donc, mais bon, ça... je pense que je vais demander... je vais demander... Bah ouais, c'est mieux que d'être sponsorisé par YouTube ou je sais pas quoi. C'est mieux que de faire... Sponsorisé par Fanta, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. By Fanta. L'apéro, by Fanta. Non, non, ah. Non, faut pas déconner, quoi. C'est mieux ça, quoi. Moi, vivant ? Jamais. Non, jamais. On filera le concept à quelques notes. S'il voudra se sponsoriser par Fanta, il fera ce qu'il veut. Ça sera le goûter à original. Hein, mais... Voilà. Apéro original Origins. Ça, faut qu'on le fasse. Donc voilà. Moi, je pense qu'à un moment, dans l'alcool, faut. Tant pis, c'est cher, c'est sûr. Mais après, voilà, faut pas confondre se mettre ce poltron miné. C'est-à-dire que ce. Comment dire, s'arnoyer. C'est-à-dire devenir tout. Ah, voilà. Ah, tu prends de la villageuse ou je sais pas quoi. Si tu veux te bourrer la gueule, tu prends du label paille. Ah oui, donc ça va vite. Hein, oui, après, c'est. Ouais, voilà. T'as les alcools pour te bourrer la gueule pour te changer les idées. Puis après, t'as l'alcool pour te déguster ou passer un bon moment. Voilà, le vrai. De la titanium. Je sais pas, moi j'en ai pas bu donc. Putain, mais tu parles le truc là, mais. Oh, putain, j'ai mal au. Rien que d'y passer, j'ai quoi ça, mal au bide. Faut demander ça à Wee Wish. Il était au Hellfest, il a tourné à la titanium tout le week-end. Ouais, mais c'est les métaleux. Les métaleux, ils. Ils boivent de la merde, ouais. C'est des satanistes. Ils sacrifient des corbeaux au milieu des cimetières. On sait pas si c'est des satanistes, mais ils boivent pas des trucs très... Hein. Ils sont pas très regardants quand même. Hein. C'est pas très regardant. Hein. C'est là, à une gros, ça va deux minutes. Quoi. Bref, on continue. Maintenant, je vais vous parler du saké. Alors, on va faire vite parce que là, il y a du texte. Non, c'est l'express.fr. Alors, je sais pas qui c'est qu'on sponsorise comme, millionnaire. Voilà, mais, bref. Bolloré, soit Bolloré. Je sais plus, puis j'ai la flemme de l'aller rechercher. Mais ça nous parle que le saké est devenu le chouchou des Français. Donc on rappellerait que le saké, ça veut dire quoi en japonais ? Riz. Alcool. Non. Alcool de riz. Ouais. Alcool ou alcool de riz, à peu près. Voilà. Ouais, ça veut dire alcool de riz. Donc en fait, quand on parle de. Donc c'est un peu comme si. Un peu le vin, tu vois, c'est comme si chez moi je te ramenais une bouteille de vin et je disais, c'est du vin. Oui. Voilà. Ou la bière, bon, c'est de la bière, quoi. On va pas chercher plus loin, quoi, tu vois, c'est... Je t'ai ramené de l'alcool. Voilà. Non. Ah, mais finalement, on va manger des crevettes. Ah, oh, mais c'est du rouge. Oh, mais tant pis. Tant pis. On fera avec. On fera avec. C'est pas grave. Et bah, la couleur, c'est la même. Bah c'est oui. Pas, c'est pas ça, la règle. Bah, non, mais c'est vrai que c'est là que tu te dis... Non, mais... moi, alors, j'ai commencé à m'y pencher sur le vin. Je te coupe un petit peu au niveau de ton dossier. Alors, nous avons un test... merde, je sais quoi, on n'a pas de tacos, alors je fais avec des Monster Munch. Des Monster Munch dans le guacamole. voilà. Je suis à deux doigts de faire le saucisson piment d'Espelette dans le guacamole, quand même. C'est que je vais tenter. À un moment ou un autre, je vais tenter. Moi, je vais le prendre de base. J'aime bien moi. Ah, mon poste a été calme sur la bouffe. Oui. C'est le début. Mais il va falloir répondre. C'est ça que le téléphone, je crois qu'il est comme lui, il commence à charger un peu. Donc. Là, il parle du riz. Une soixantaine de variétés cultivées dans l'archipel sont sakéifiables. C'est pas un vrai mot, mais ils l'ont mis en parenthèse. C'est-à-dire que tu peux en faire du saké. Voilà. Donc, c'est à peu près, toi déjà, le vin, il y a déjà pas mal de. Comment ils appellent ? Le cépage. Hashtag Vendange, le jeu des vins du sud-ouest. Enfin, un peu de pub pour des bons jeux. Moi, j'ai pas vraiment joué, mais je voulais y jouer. Qui est sur Kickstarter ou qui sur était, Ulule qui était, ou non, que... il a réussi son Kickstarter, ah. Comme il faut d'ailleurs. Je crois qu'il a doublé, il a doublé la mise, mais je pense qu'à Noël, je le vendrai. Il y a des chances. J'espère pour le brin. Donc, vous voyez, il y a pas mal de, comme on dit chez nous, de cépages pour faire du saké. Alors, le grain blanc est poli, cuit. À la vapeur, puis mis en contact avec un champignon microscopique qui libère des enzymes indispensables à la transformation de l'amidon en sucre, ce qui permet de faire l'alcool. Lesquels deviendront de l'alcool par les secrets de fermentation. À coup de. Alors, on passe à autre chose, parce que j'ai pris les meilleurs moments de l'article. Parce que c'était un article qui était. Un bon article, pour une fois. Mastoc. À coup de rasade improvisée, il a ainsi appris à ses clients fidèles à reconnaître une jus de maille. Un pur jus sans ajout d'alcool de distillation, un nigori, un alcool trouble car peu filtré, et le nec plus ultra, alors ça c'est vraiment le nec plus ultra, mais pour de vrai, j'ai pu en goûter. Denginjo, j'ai peut-être du mal à le lire, c'est qui est tombé. Ah, c'est le couvercle de la. T'as pas, c'est pas grave. Un Denginjo, donc c'est une appellation supérieure pour un taux de polissage de 50%. où on retire au moins la moitié du grain de riz. Donc c'est vraiment tri à balle. Oui. C'est pas du... Oh, fais pas ça pour rigoler, quoi. Très japonais, encore une fois. C'est très extreme bushido. Comme dirait l'autre. Bullshit. Parmi ces nouveaux convertis, on trouve non seulement des grands chefs, bien, des sommeliers, encore mieux, des gourmets anonymes, mais ainsi que Jean-Michel Jarre. En même temps, il a un nom prédestiné, les Jarres. Musique de fin de l'épisode. Le groupe de rock Phoenix. Ouais. Qui est un peu connu. Et français. Ou bien évidemment un fan qui aime l'alcool, un Français qui aime l'alcool, qui n'est plus en France. Depardieu. Mais bien évidemment, Gérard Depardieu, qui à ce qui paraît carbure vilain niveau alcool. Je crois que nous tombe. Là, nous, on est bourrés avec 3 bières, même pas. Lui, il faut 3 bouteilles de vodka. En même temps, il pleurait les Russes. Ouais. Il a pas un domaine à son nom. Si. Donc, voilà. Non, mais enfin, directement, et là, c'est directement du producteur au consommateur. Donc, c'est la même personne. Là, il est sous la cuve, le mec. Hein. Ah, il est... Mais Gérard a quand même encore un bon palais. Parce que même malgré sa consommation quelque peu excessive, on va dire. Mais vraiment quelque peu. Autant se faire ce peu, lui, il boit. Hein. Voilà. Donc, j'en étais là. Donc, Gérard Depardieu. Ce dernier a même catapulté par un des becs fin du saké. Oui, continue. Voilà. La nouvelle association des amateurs d'alcool de riz. Preuve qu'il n'y a pas que la vodka dans la vie, parce que ce qui paraît, la vodka, ça le travaille. Je pense qu'il n'a pas les corps russes pour rien non plus. Voilà. C'était pas que l'évasion fiscale qui lui faisait glorifier. Primo, à quelques exceptions près, il ne vieillit pas. Il doit être gardé au frais et consommé dans l'année. Donc, si on l'ouvre après, bah, il faudra le tomber rapido. Hein. Ouais. Ce n'est pas un appel à la ivresse, comme dit l'autre. Oh, t'inquiète pas, on va faire des enregistrements. Voilà. Qui suit sa production. De Zio, il ne contient ni tannin ni sulfite. Hein, et affiche des taux d'acidité bien plus faibles que le vin. Donc, généralement, il doit être un peu plus fin. Costaud niveau alcool, par contre. Hein. On est plus vers les 14-15-17 même. Tertio, la notion de terroir ne s'applique pas vraiment à l'alcool japonais. Voilà. Entre parenthèses, historiquement. Attention, point. C'est bon. Goût bizarre. Alors, je peux tester. Le goût. Asto a testé le saucisson piment d'Espelette au guacamole. C'est délicieux. C'est délicieux ? Bon, ouais. Je tente, je te suis. Alors, on arrête le dossier pendant ce temps. On suspend le temps. Autant tu suspends ton bol. Ouais. C'est belle à vue. C'est belle à vue. Bon, en fait, ça. T'as bien les deux séparés. Ça va bien les deux. Mais en plus, ça allège le côté piquant du piment d'Espelette. Même si ça applique pas vraiment énormément. Mais ça... Non, le piment d'Espelette, ça s'applique pas. Il est très rond. Il est très. C'est pour ça que c'est l'un des piments. Mais c'est le seul piment au monde, je crois, qui a une AOP. Enfin, qui a un truc dessus. Hein? Ouais. Ah, parce que c'est un piment qui est pas forcément fort, mais qui apporte ouais, du qui goût. Un petit goût, oui. Qui apporte un truc. Donc j'en étais où dans mon tertio ? Tertio, j'en étais là. La notion de terroir ne s'applique pas donc à l'alcool japonais. Historiquement, les récoltes de riz ont toujours voyagé au Japon par cabotage. Ou que je ne connais pas. Elles ne sont donc pas attachées à un terroir. Donc on peut pas faire du comme nous on fait du Madiran vers Fronton, tout ça. Même si je dois peut-être me tromper, voilà. On n'a pas le terroir, on n'a pas les cépages, genre le cépage champagne, il reste... Oui, vraiment, cépage est localisé plutôt. Voilà, c'est ça. Même si certains cépages ont sauté des continents quand même. Hein. Faut quand même s'en rappeler. Insiste Toshiro Kuroda, parce qu'il y a quand même des sommités dans le monde du saké, heureusement d'ailleurs. Il y a certes l'importance de l'eau de source, par rapport au whisky, c'est une différence. Mais ce qui fait sa qualité, c'est avant tout la précision d'un geste, de la précision, la spécificité d'une levure, l'esprit d'une maison. Tu vois, t'es presque plus proche du fromage, tu vois, en termes, je trouve, de travail, par rapport à un whisky où l'eau a quand même une importance un peu plus forte, quoi. Le saké a une dimension abstraite, même métaphysique. Mais le point commun des bons sakés, c'est une certaine neutralité, une polyvalence qui les pousse à aller là où certains vins ne vont pas. Des exemples, les œufs, les légumes racines, les asperges. Je dirais que je commence à avoir du mal à voir qu'est-ce que tu pourrais boire avec ça. Ils ne sont pas copains avec les tanins du vin, mais s'attendent à merveille avec le. C'est les légumes, pardon. Ils ne sont pas copains avec les tanins du vin, mais s'attendent à merveille avec le saké. A noter que dans le thé vert, il y a beaucoup de tanins. Il y a quoi ? Il y a beaucoup de tanins. Ah. C'est pour ça que les Chinois apprécient beaucoup le vin rouge. Et, voilà. C'est pour ça. C'est logique, en fait. Il y a une certaine logique. Et c'est pour ça qu'ils ont le palais aussi qui est développé pour bien apprécier le vin. Parce que c'est pareil, là-bas, au début, ils achetaient de la piquette. Ils étaient contents, sauf qu'ils sont montés en grammes excessivement rapidement. Et après, ils ont appris à découvrir ce qu'ils faisaient. Ouais, parce que par rapport au thé, voilà, ils avaient déjà un palais qui était préparé. Quoi. Parce que le tanning, c'est quand même assez fin pour être... Les domaines français, quoi, ça s'est fait racheter par des Chinois. Ouais, mais ils respectent bien la tradition et tout. Hein. Ils sont quand même... Après, voilà, le problème, c'est que souvent, les bouteilles finissent là-bas. Oui. C'est souvent ça le problème, en fait. La réaction des clients, les gourmets à qui on les fait goûter à l'aveugle, ils les confondent presque toujours avec un excellent vin blanc. On s'en prouve quand même que niveau qualité, on est bien quand même. Ok, si on se débrouille, voilà. Parce que là-bas, après, la bouteille, ça coûte... si tu veux prendre, je pense, un bon truc, c'est 10 euros, je pense. 10-15 euros, t'as un truc sympa, quoi. Après, plus, parce que j'ai vu une bouteille à 50 euros, qui avait reçu un prix à Bruxelles, en plus. Pour te dire, le what the fuck, la bouteille était magnifique, elle dessinait et tout, j'avais rarement vu un truc comme ça. C'est la bouteille la plus chère que j'ai vue là-bas. Ah ouais. Ouais. Mm. Je l'ai vue là où j'ai trouvé les bières, dans un truc paumé, en attendant de prendre le ferry. Mm. Donc, voilà. Et après, voilà, donc pour terminer mon dossier qui doit être un peu long. Bon, t'inquiète pas, on est à une heure. Voilà, donc je vais vous parler du bois pour une fois, ça va être un peu long, c'est pas grave. Je vais vous parler du wasabi. J'ai pris le truc de Wikipédia parce qu'on en mange en ce moment. Ouais, j'en prends un même. J'ai pas goûté encore. Il y a un ou pas? En fait, non, tu sens que ça pique un peu, c'est du wasabi, mais c'est pas. C'est des pois wasabi? C'est des cacahuètes. Des cacahuètes. Donc tu vas choper un dème de Quing et tu vas mourir. Ah oui, à Leclerc en plus. Ouais. Leclerc, oui. Et ça se trouve facilement, ils sont bons, je trouve. Le prix, je sais pas si le prix de tout. Si, c'est un. Il est pas dégueulasse en plus, je crois. C'est 1,93€. Ah ouais. Et c'est. 10,37€ le kilo. C'est ça pas. Va. Bah, ça pique quand même. Hein. Ouais. Oui, bah après. Ouais. Tu le. T'as l'impression que ça va arracher quand tu commences à le manger. Et en fait, ça va. Mmh. Non, mais il est bon. Ça monte pas, l'intensité du piquant ne monte pas. T'as pas trop le nez pris, quoi. Non. Du coup, tu te dis, oh putain, je vais me cramer la gueule, et en fait, ça va. Donc, le wasabi, après c'est marqué en katakana, je sais pas le lien. Traduction littérale. Si, wasabi. Wasabi. Wasabi, voilà. Pardon, merde, je suis con. Wasabi. Bi. Ebi. Ebi, comme ceux qui aiment les hommes et les femmes. Donc, traduction littérale rose trémière des montagnes, je sais pas ce que c'est trémière, ou Eutrema japonicum, est une espèce de plante de la famille des Trasicae, du genre Eutrema, ou Wasabia, ou du Wasabi, que l'on trouve en Asie. Donc, déjà, voilà. Cette espèce est originaire du Japon, très proche du Réfor, donc ce n'est pas du Réfor en fait. Voilà. Moi je pensais, tu vois. Moi aussi. Et dont la racine est utilisée sous forme de pâte comme condiment dans la cuisine japonaise. Les autres variétés, donc les plus répandues sur le marché, sont le E japonicum et le E japonicum. C'est pas le même. Par extension, le terme wasabi en français désigne donc la plante et le condiment. Non, ce n'est pas du réfort en fait, ça, c'est la même famille de plantes. Ouais. Et ça n'a absolument. Parce que vrai, le goût n'est pas du tout le même. Et c'est ça qui fait the difference. D'accord. Bien évidemment. Oh mon dieu, Golden Axe. Voilà, la télé, je suis choqué. Je suis choqué par ces persos un peu rigides. Il y avait le 50 cast avant. Ouais, j'ai vu. Ah, mais c'est le 50 cast avec. En plus, c'était pas avec. Non. Le mec, il y a Tristan Nito, j'aime. Voilà, donc c'était mon dossier. C'était spécial Japon, c'était spécial rigolade. Ouais, spécial découverte, mais c'est. Spécial découverte. Spécial rigodrôle. Ouais. Rigodrôle, voilà. On a vu du cul. Spécial hentai, spécial whisky. On remplace hashtag par spécial maintenant. Ouais, voilà. Ça commence à tourner un peu. Non, ça va. Bah, en même temps, là, je suis allé. Ouais, moi, c'est j'ai pris pas très beaucoup de whisky. Je pense que je vais m'en reprendre un petit coup. Je l'ai bien aimé. Hey, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu dors ici, donc c'est bon. Ah. Excuse. L'excuse ultime. On lève les bras. On courra dans la ville. Que... Alors, on va tomber la bouteille de whisky et la bouteille de saké. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ça sera pas à refaire. Alors, la bouteille de whisky, je vais pas vous aider. Non, mais tout seul, il peut le faire. Putain, si je tombe ça, on m'appelle papa après. Direct. Ouais, du coup, on va passer au quiz de la soirée. Oui, du coup, je reprends les rênes un petit peu de ma partie. Puis tu seras obligé de refaire une autre présentation pour ta partie à toi. J'ai même de l'argent japonais. Ah, j'avais oublié. Mais c'est pas grave. Le yen. Ouais. Bah, du coup, on va passer au quiz de monsieur Asto. Très bien. S'il est prêt. Il est prêt. Toujours. Et prêt, ok, bon bah du coup, surprise. Jingle. Merci Inspecteur Gadget. Après, merci Obama, merci Inspecteur Gadget. Putain, merci Inspecteur Gadget. Et merci Inspecteur Gadget. Boum, la duchesse d'Aquitaine. Alors je demande un autre jingle pour la prochaine fois pour moi. Ok, je t'en fais un autre. C'est comme ça toi. Parce que là ça n'a aucun rapport avec moi. Alors que moi ça parle du cul et... Ah parce qu'il faut que ça c'est un rapport. Et moi ça parlait de cul. Bah oui. Bon, en même temps, moi, c'est toujours explicite avec moi. Donc, Du coup, on m'a dit spécial Japon, un lettre de feu. Du coup, j'ai essayé de préparer un quiz spécial Japon. En lettre de feu. En lettre de feu. Je suis désolé, j'ai merdé sur ce coup-là. Non, mais t'as un Word, tu peux faire un Word Art ou un... J'ai fait ce que j'ai pu. Hop. Je le mets là. Voilà. Ah, c'est bon. Là. Ça passe. C'était bien blonde quand même. Je crois que je suis tombé sur la meilleure bouteille. Alors je vais donc tester vos connaissances sur le Japon. Et merde. Ah. Alors il va y avoir des questions plus ou moins difficiles. Mais Naruto. Alors je n'ai pas pris de questions. Naruto merde. Shippuden. Burrito. Je n'ai pas fait ce genre de questions non plus. Buruto. Burrito c'est mexicain. Ah merde. Mais j'ai toujours mon tour sur la tête. Alors, je prends une petite série, j'ai fait une petite série de sélection de questions, je crois qu'il y a 9 ou 10. Ça va être rapide, je pense. Enfin, je vais voir, en fonction de la manière dont on digresse. Oh, on va broder. Mmh. Donc, question numéro 1. Quelle fleur représente la famille impériale du Japon? Est-ce que c'est la fleur de cerisier, la fleur de lotus, ou bien la chrysanthème? Lotus. Moi, je dirais pareil. C'est un truc avec les pétales qui sont comme ça. Enfin... C'est tout de la grue, je pense. Non, c'est ça, c'est la fleur de... La fleur de lotus. Ouais. Alors, la chrysanthème est le symbole de la famille impériale japonaise. Mais les chrysanthèmes, c'est les morts. Chez nous, pas chez eux. Eh oui. C'est le sceau de la famille impériale japonaise. C'est à différencier du sceau du gouvernement japonais. Ah, d'accord. Le sceau du gouvernement japonais, c'est une fleur de Polonia. Alors, c'est écrit P-A-U-L-O-W-N-I-A. Natasha Polonia? Non. Ah. Je suis très... Alors, deuxième question, pour vous rattraper. Quelle est la plus grande île de l'archipel du Japon? Ah, ça encore. Est-ce que c'est... Bon, si tu connais la réponse, non, mais... je te donne les trois propositions. Ouais, est-ce que c'est Shikoku? Est-ce que c'est Kyushu? Ou est-ce que c'est Honshu? Comme c'est ça, j'aurais dit Kinshu. C'est Honshu? Kyushu? Bah, le deuxième. Kyushu. C'est et donc, c'est Honshu. Honshu. Et donc, c'est bien évidemment Honshu. Honshu, free. Donc, parmi les 6852 îles. Ah, quand même. Qui composent l'archipel. Ça picote, hein. Honshu est la plus vaste d'entre toutes avec une superficie de 230 500 km². Il y a quand même des japonaises dessus. Avec les villes de Tokyo, Kyoto, Osaka. Osaka. C'est également l'île la plus peuplée. Bah, rien que Tokyo déjà. Voilà, rien que Tokyo déjà c'est beaucoup. Donc Edo, vous connaissez le nom de Edo? Oui. Edo, c'est l'ancien nom de quelle ville? Est-ce que c'est l'ancien nom de Tokyo? Tokyo, de Kyoto ou de Kobe? Non, Tokyo, c'était l'ancienne. Ils ont changé le nom, mais c'était la capitale, l'ancien nom de la capitale. Ouais. Edo. Parce que Tokyo, ça veut dire la ville de l'Est. Exact. Oui. Ouais. Alors que Kyoto, c'est l'inverse, il me semble. Ah, ouais, ça, j'ai pas l'info sur quoi. Il me semble c'est. Donc en 1600, le shogun Ieyasu Tokugawa transfère la capitale impériale de Kyoto vers Edo, marquant le début de l'ère de son nom. Et en 1868, la cité est rebaptisée Tokyo, qui signifie donc capitale de l'Est. Tu avais vu juste. Ouais. Ah, je me suis renseigné un peu avant de partir. Pas que sur le hentai, quoi, parce que ça, je vois l'air con. Vous connaissez sûrement un mont du Japon. Fuji. Voilà. Le Kilimanjaro. Le fameux mont Fuji ou le Fujiyama. Ouais. Mais savez-vous à quand remonte la dernière éruption? Ouais, parce que c'est un volcan. C'est un volcan. Hein. Est-ce comme les monts d'Auvergne, il va pas pareil. 1707, 1808 ou 1909. 1909. Non. T'as dit quoi? 1707, 1808 ou 1909? 1707. Exact. Donc c'est le point culminant du Japon, ouais. Avec 3776 mètres. C'est un volcan donc qui est toujours considéré comme actif. Ouais. Sa dernière éruption a duré 2 semaines et elle remonte à 1707. D'accord. Et autant te dire, vu la proximité de la ville la plus proche, donc là où je suis allé, Kawaguchiko, si ça pète, ça pète. Ça, c'est les types, c'est dans la maison. C'est quand pour pays, quoi. C'est ça, parce que c'est 80 000 personnes, je crois. Alors, si je me souviens bien, les informations que j'avais lues, c'est même 1706-1707. Puisque l'éruption donc, a duré 2 semaines, et c'était fin décembre, début janvier 1707. Tout ça pour faire chier. Ouais. Ah, il y en a qui continue. Je me resserre en whisky, parce que faut pas mourir, con. Bah, tu vois. Exact. Je vais reprendre aussi, je pense. Oh, dis donc la grosse rase. Non, mais c'est pour durer. Il a pris un double whisky. Je te laisse te servir, parce que sinon je peux remplir le verre. Tu as la main un peu lourde, je trouve. Parce qu'il faut tu n'as pas conscience du diamètre du verre. Alors, question suivante. Mais ça va très très vite, mon quiz. J'ai très peur. La phrase a peur. Ça va être fini. Putain, j'arrive même pas à reboucher la bouteille. Ça va être fini dans 10 minutes. Oh, bah c'est bon, ça fera un épisode d'une heure et demie, c'est bon. C'est bon, c'est facile. C'est un combo d'après. Alors, connaissez-vous le nom du drapeau du Japon? Ah putain, ah ça, j'en parle. Le rond rouge sur fond blanc. Est-ce que c'est comme l'émission sur No Life, Japon en mouvance? Ce n'est pas Japan in Motion. Alors, est-ce qu'il s'appelle Ina Matsuri? Ouais. Est-ce qu'il s'appelle Inomaru? Ou est-ce qu'il s'appelle Ukiyo E? Oh là, moi, je dirais le 3 pour y voler. Je dirais le 2. Eh bien, tu as raison. Wow, quel homme! Alors, Inomaru, c'est donc bien le nom du drapeau japonais qui signifie disque de soleil. Ah, oui. Voilà. Le rouge. Il est également appelé Nisoki, qui veut dire étendard japonais. Ah, d'accord. Oui. Par contre, moi, je peux presque te donner la couleur en pantone. Parce qu'il a sa couleur en pantone, le drapeau japonais. Et c'est vrai, parce que je fais un blog et j'ai pris cette couleur. Au rouge, là. Donc, le Inomaru a été officialisé en tant que pavillon marchand du Japon en 1870. Ah, d'accord. Et après, pendant l'ère Meiji, pendant la reconstruction. Meiji. L'origine exacte du Inomaru est inconnue, mais le soleil levant semble avoir une signification symbolique remontant au 7e siècle. En 607, un correspondant d'un officiel. Qui commence par. Alors, c'est une correspondance, donc une lettre d'un officiel du Japon, ouais. Qui commence par l'empereur du soleil levant a été envoyé à l'empereur de Chine. Ah, d'accord. Mmh. Le Japon est également souvent appelé l'empire du soleil levant. Mmh. Alors que la Corée. C'est du. Matenkan. Matenkan. Et la Chine, c'est ceux qui font des Nike. Il y a également une légende qui raconte que. Le drapeau. Était associé à un moine bouddhiste qui s'appelle Nichiren, qui aurait donné ce moine bouddhiste aurait donné cette bannière à un shogun lors d'une bataille contre les Mongols. D'accord. Les Mongols sont allés jusqu'à là. Et donc il y a également une signification avec le soleil par rapport à une légende disant que le trône impérial est descendu du ciel par Amaterasu, qui est la déesse du soleil. Et la déesse qu'on trouve dans quel jeu avec le chien Okami, bien évidemment. Okami étant l'incarnation d'Amaterasu dans le jeu. Qu'on peut trouver en France. C'est pour ça que ça me dit quelque chose, Amaterasu. Ouais. Yeah. Jeu qu'en achetant au Japon, donc version japonaise, jamais en français. Ouais. C'est une version internationale. Ils sont pas fait chier, ils ont tout mis à l'heure. Et c'était tant mieux. Tu veux dire qu'il y avait assez de place sur la cartouche? Ouais. Pas comme One Piece. Ouais. Donc en fait, le nom. Du drapeau, c'est les Japonais qui l'ont trouvé, même. Et il y a plusieurs origines. Ouais. L'origine est assez floue, mais il y a plusieurs théories, mais toutes viennent vraiment, D'accord, parce que c'est pas comme les All Blacks. Les All Blacks, c'est un nom que leur avait donné un journaliste. Anglais, je crois. Ouais. C'est juste pour dire ça, en fait. Toujours ramener un truc du rugby, quoi. Oh, bravo. Je n'aime que le rugby, Linux et les jeux sous blister. Vas-y, c'est le moment où tu fais ta pub là pour ton. Après, 15 bras, 15 jambes. J'ai pas fait de questions sur ça, mais je sais qu'il y a une histoire avec. Le Japon est lié au Portugal. Ah ouais appris ça. Oui. Oui, Macao, tout ça. Le Portugal, vous bougez à cette zone. Par un. Comment dire. Le tempura. Le tempura, le. Tu sais quand ils font frire. C'est Portugal. Un moine catholique ouais, qui était parti au Japon. Je sais qu'il y a une histoire, enfin, je sais qu'il y a une histoire qui lie ouais. le Japon au Portugal. Et que du coup, le Japon fait partie d'une alliance de pays de, qui ont pour langue le Portugal. D'accord. Mais si tu veux, la tempura, c'est. C'est une extension de, voilà, du mot friture en portugais. À Macao, quand il va là-bas, il y a une excessivement forte communauté portugaise. D'accord. C'est-à-dire que les natifs de là-bas parlent portugais souvent. Alors, question suivante, facile. Naruto. Non. Nintendo. Quel animal porte-bonheur trouve-t-on souvent en petite statue? Un panda. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un renard? Ou est-ce que c'est un calamar? Un calamar. Un calamar parce les que. Tentacules. Apollinaire, c'est un calamar. Le calamar, mais évidemment. Et bien évidemment, c'est. Le chat. Neko. Le chat. Le Maneki Neko. Et j'en ai un de, sur mon bureau maintenant. Non, pas celui-là. Moi, je l'ai que celui qui vient du table, comme ça. Le Maneki Neko. Je sais pas s'il m'apporte trop bonheur depuis. C'est donc une statue traditionnelle japonaise, en céramique ou en porcelaine, qui représente un chat. Oui, il est mort. Levant la patte. Au niveau des oreilles, donc Maneki qui vient du verbe inviter, mais dans le sens faire venir. Ouais. Et Neko, donc qui vient du chat. Mais Maneki, ça veut enfin Maneki qui vient du verbe Maneku, pardon. Ouais. Qui veut également dire saluer. Et donc, d'accord, ils sont bien ces japonais. Maneki Neko, c'est le chat qui invite, le chat qui veut attirer. En fait, c'est ça, en fait. Voilà. C'est pas le geste de balancer comme ça, mais c'est plus dans la main retournée. C'est pour dire, viens. Tu peux l'interpréter nous, comme ça. C'est plus de ce sens. Oui, bah oui. Comme ça, ouais, parce que nous, c'est plus ça, en fait, justement. Ouais. C'est la paume de la main vers nous avec le geste, viens vers nous. Voilà, mais c'est censé attirer les gens. Mais ça, on avait parlé sur nos lives. C'est pareil, eux là-bas, pour se définir eux-mêmes, on se pointerait vers le torse. Oui. Eux, c'est plus là. Le nez. Donc a priori la patte gauche est censée attirer les clients pour tout ce qui est commerce. Argent. Alors que la patte droite est censée attirer la fortune. D'accord. Argent. Pardon. Mais c'est raciste. Un petit peu quand même. Alors fait intéressant que je n'ai jamais vu, il existe aussi des Maneki Neko levant les deux pattes. Ah bon. Et encore plus rarement les quatre pattes. Maneki Neko. Il tient sur le cul. Il tient sur l'anus. Il est sur le dos. Il doit faire ça. Je n'ai jamais vu de Maneki Neko. Lui ça doit être sacré à voir quand même qu'il a. Il met la tude. Alors encore une question. Je commence à grossir de l'intérieur. Une question alors. Je pense que vous allez trouver. Comment appelle-t-on un portail traditionnel japonais que l'on trouve traditionnellement à l'entrée des sanctuaires shintoïstes? Moi je sais, c'est bon. Est-ce que c'est un kakemono? Est-ce que c'est un koto? Ou est-ce que c'est un tori? J'ai un tori. Le tori. Exact, c'est un tori. Tori. Qui c'est donc un portail traditionnel japonais. Et Il y en a dans la mer et tout, hein. C'est très beau. Moi j'adore. Puis c'est une forme alors, très. Il est censé en fait séparer l'enceinte du lieu sacré du reste de l'environnement qui est profané, entre guillemets. Et donc en fait, quand tu passes un portail, quand tu passes un tori dans un sens, il te faut forcément le passer dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça que, a priori, souvent les Japonais qui sont pas forcément croyants, ils contournent les tori. Parce qu'ils n'ont pas de croyance du monde profané, du monde sacré. En fait. Voilà, ouais, c'est oui, c'est dans dans la logique, ça veut dire que si tu passes par le portail, en fait, tu dois être purifié pour pouvoir entrer dans le. C'est-à-dire que tu rentres dans un endroit qui est sain, qui est pur, et donc tu peux pas contourner en fait pour ressortir. Oui. T'es obligé de passer. Ça serait une atteinte à la religion. Voilà, ça serait un sacrilège. C'est pas vraiment une religion. Je fais le noter ça dans mon dossier. Mais oui, mais en fait, c'est très bizarre la religion au Japon. Le shintoïsme, du coup. Voilà. C'est un peu. A priori, ils croient en beaucoup de dieux, mais ils ont pas vraiment de religion. Quoi. C'est pas. Ouais. C'est plus un mode de vie, tu vois. C'est plus des règles. Oui, après, ça va être plus pour faire ça, on va dire, sur les Français, sur la culture des druides ou. Avant la religion chrétienne, où il y avait vraiment des. On va dire, une divinité pour chaque élément. Ouais. T'es plus dans ce délire, tu vois. Ouais, déjà dessus, toi. C'est pas le petit Jesus qui va venir te sauver. Même si Jésus, si c'est dit Jésus. Ouais. Il marche sur l'eau aussi, Jésus, attends. T'as plus vite. Alors, question suivante, Tom. Je vais vous donner trois propositions. Je vais vous demander de trouver l'intrus parmi ces trois. Vas-y. Oh, c'est l'auberge. Si je vous dis Shinjuku, ouais. Shibuya et Harajuku. Shibuya. Non, il y a un quartier. T'as dit quoi, Shinjuku ? Je vous ai dit Shinjuku, Shibuya et Harajuku. C'est Shinjuku. C'est le premier, parce que c'est un truc de gangster. Je pense que c'est le dernier parce qu'il n'est pas sur le. C'est pas une. Harajuku, c'est pas une voie de la Yamanote Line, mais. Je vois pas trop le. Parce que c'est à peu près dans le même coin quand même. Donc, oui, à... c'est dans le même coin. J'ai du mal à voir la différence. L'intrus est Harajuku. Ouais. Parce qu'Harajuku n'est pas un quartier de Tokyo. Ah. Alors que Shinjuku et Shinjuku Shibuya. Et Shibuya, c'est les quartiers. Okay. En fait, Harajuku, c'est entre les deux. C'est une portion. D'accord. C'est là où t'as la. C'est un lieu dit. Dans la Yamanote, en fait, c'est la station qui est entre Shibuya et Shinjuku. D'accord, c'est ça. Et du coup. Harajuku, c'est un quartier, mais c'est un quartier de Shibuya. Et entre Shibuya et. D'accord, oui, en fait, Shibuya, ça va être le. Shibuya, c'est un arrondissement. Ouais, voilà. Shibuya, oui. C'est un arrondissement de Tokyo. Harajuku, c'est un quartier de Shibuya. C'est un quartier, oui. Ouais, c'est le quartier de. Je sais plus où ça s'appelle, c'est la. Omotesando. Ouais. Et donc ça se situe du côté ouest. C'est ça. Omotesando et ouais, ça s'est collé entre les trois. C'est... Du coup, t'as Shinjuku et Omotesando et Shibuya. Voilà, à peu près. Donc cette question, c'était bien sûr pour parler d'Harajuku. Donc que j'ai quartier de la mode. Finalement. Quartier, oui, de la mode, oui. De la mode, c'est vrai. Oui. Mais t'as du Chanel, mais après le reste, je l'ai pas vu. Ouais, bon, Chanel, c'est alors, tu y étais quel jour ? Hein ? Tu y étais quel jour ? Un dimanche. Ah, parce qu'a priori, c'est plutôt, oui, c'est. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis allé la fin de semaine. Qu'a priori, tu croises beaucoup de. Ah, mais je suis allé dans le parc. De Lolita, de gens en cosplay. Ah, mais je suis allé dans le parc, hein. Autant te dire, j'ai jamais vu autant de monde dans un parc de ma vie, quoi. Enfin, vraiment. Je te dis, c'est Disney, c'était Disneyland le parc, quoi. Ouais. C'était quand on ouvre les portes, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais j'en ai pas vu. Après, comme j'avais dit dans le podcast, j'ai pas parole d'évangile. Peut-être que je les ai pas vus, mais après, j'en ai vraiment pas vu, moi. Et pourtant, j'y suis resté un petit point de grosseur, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Harajuku, c'est également l'endroit où il y a le plus célèbre temple shintoïste. Ah oui, c'est le temple de. Y a pas le nom? Le Meiji Jingu. Ouais, mais j'ai pas fait du qui coup, est au milieu du parc Yoyogi. Ouais. Yoyoji. Ça, j'ai fait, bon. C'est vrai qu'il y avait Gavé dans mon nom. Et donc voilà, donc. Même si mon temple favori. Du coup, voilà, temple de la mode. Ça reste le berceau, temple. Du style visual kei, Lolita Goth, beaucoup de choses dans ce style. Même si mon temple favori, c'était Asakusa. Grâce à mon bando d'ailleurs, je représente Asakusa depuis le Tarn et ça, respire robustesse. Et donc, on arrive déjà à ma dernière question. Ah, c'est dommage. Qui est, je pense, plutôt facile. Hein. Quel est le sport national du Japon ? Oh, ça, je sais direct, c'est pas la peine. Est-ce que c'est le football ? Non, le baseball. Ou le kendo ? C'est le baseball. Baseball. Et bien, en effet, c'est le baseball qui est le sport numéro 1. Au Japon, devant le football. Ouais. Oh, le football, est encore est quand même numéro 2. Ah déjà, quand même. Oui. Ouais, je pensais que c'était plus, tu vois, sumo ou. Eh ouais. Non. Parce non. que le sumo, quand même, il est pas trop représenté. Bien regardé. Il est bien regardé. Oui, c'est quand même un des gros sports. Il est pas trop pratiqué, ça c'est sûr, mais il est bien. Bien mais les Japonais personnes. Sont également adeptes de golf et de sport automobile. Oui, non ils aiment beaucoup. Ils ont une ligue de Formule 1 qui s'appelle la Formula Nippon. Si tu cherches à avoir des très bonnes informations sur les modèles réduits de voitures, tu sais, Les maquettes ou. Pas les maquettes, téléguidés. Ouais, les téléguidés, voilà. Mmh. La communauté là-bas est une communauté de dingue. Moi, je sais que j'ai plein de potes, j'ai quelques potes qui suivent ça. C'est, les gros trucs qu'ils partagent, c'est du Japon. Quoi. Ouais, c'est des dingues. Ils ont des modèles, modèles SNC. Après, tout, voilà. le sumo est quand même le sport le plus populaire parmi les sports traditionnels. Oui. C'est ça, voilà. C'est devant le judo, karaté, kendo. Ah, c'est vrai que là-bas, j'ai senti que c'était très regardé. Je pense que oui. Et puis, ça doit être. Nous, c'est plus exporté sur le judo, karaté, enfin, on va dire art martial. Les arts martiaux, Ouais, puis c'est plus facilement praticable, quoi. Oui. Parce que le judo, c'est plus en. La sumotori, c'est plus, on va dire, un art de vivre. Bah, c'est plus condition physique et mentalité que judo ou... Oui, c'est pour ça. Et puis, de toute façon, même les pays... Parce que le Japon a du mal maintenant à regagner. Parce que récemment, il y a un champion japonais qui a gagné. Ça a été la révolution. Oui, parce que il se faisait torcher. C'est un coréen ou... Ouais, ils sont souvent par les mongols, par les pays de mongols, tout ça. Voilà. Bon, ça prouve le truc. Non, le baseball, là-bas, c'est très suivi. Moi, je suis tombé sur des matchs des Yokohama Bay Lakers. Je sais plus le nom en tête, mais... Ouais. C'est suivi là-bas, il y aurait du volet et tout, les féminines, ça les dérangeait pas du tout. Vraiment pas du tout. Et du catch aussi, a priori. Oui, ils ont bien le catch aussi. Ils ont pas mal de ligues de catch. Ah ouais, ah. Ouais. Bah, importation américaine. Hein. Oui, mais bah après, bah, de toute façon, le baseball, c'est le numéro 1, c'est que ça vient forcément des États-Unis. Alors que dans certains pays, on préfère jouer au cricket. Qui est tout aussi long et tout aussi chiant, je trouve d'ailleurs. Ce n'est que mon avis. Et au Japon, on aime le... On aime aussi le rugby. Ah. Là-bas, j'ai vu plein de pubs avec du rugby, même. Ah ouais? Ouais, mais normalement, j'ai vu plus qu'en France. Parce que nous, en France, on fait juste des pubs avec Vincent Clerc qui fait Petrolane, Dimitri Yachvili qui fait Petrolane, ou Bernard Laporte qui fait le Madrange. Et ça tient. Ou alors, ils font du ceinture. Ceinture, voilà. Et ça va fort. Très fort. Mais à part ça, voilà. Toujours la chaussette gauche. Ah oui. Ensuite, la droite. Oh putain, j'avais oublié cette pub. Toujours. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris au moins deux trois trucs parmi mes 10 questions. Bah, je pense que j'ai appris les gens. Toi, même moi, j'ai appris des trucs donc. Je suis trop bourré pour apprendre quelque chose. On commence à avoir la table qui bouge là. Oh putain. Est-ce que tu te souviens de la fleur de. Qui est le chrysanthème. Bien. Les morts. Bah, du coup, en fait, fuck les règles, je reprends, comme c'était dit, c'est moi qui maîtrise ici. Hein. Du coup, on va passer à l'instant musical. Mm-hmm. Bah, du coup, on va faire un petit jingle et puis je vais vous dire la chanson que j'ai sélectionnée. Allez, faut que tu ouvres aussi le saké du coup. On l'ouvre à l'autre épisode ou on le boit maintenant? Bah, je sais pas, comme tu veux. Là, c'est vraiment spécial Japon. Donc, on le boit maintenant? On boit maintenant. Allez, attends, il me faut un... On va faire le sec. Il lui reste encore trois quarts de whisky. De ski. Putain, il va boire du sec. Non. Putain, tu m'as commencé à me faire peur. Non, jamais cul sec. Une grosse gorgée, peut-être. Alors, c'est du saké, techniquement, c'est du saké. Parce que le seul truc que je vois, c'est 17, 60 et 100. Donc 5, je passe pas. 60, j'ai des doutes. 3, je sais pas. Parce qu'il y en a 3 qui traînent. Et 17, j'ai une peut-être. L'Idéric est pas bien. L'Idéric a dû finir en urgence son whisky. Notre Azertov national, il est en train de fondre les yeux. Alors, je vais vous dire déjà rien qu'à l'odeur. Il s'est rincé la bouche. Rien qu'à l'odeur, voir déjà. Il n'y a pas assez d'eau dans mon odeur, je vais reprendre de l'eau un peu. Tu t'es rincé la bouche, mais pas la gorge. Depuis le temps que je rêvais d'ouvrir. Le bout de la langue devant. Ça sent pas grand chose aussi le saké. Non. Je pense que c'est 17. Hein. Alors je vais aller passer un coup d'eau sur mon verre quand même. Ouais, je pense que je vais faire pareil. Non, on va faire du sonore et trébuchant encore une fois. Oula, c'est. Je crois que le deuxième épisode il va être compliqué. C'était le verre que t'as. Oui. Donc, du coup, je vais meubler Ikea, tout ça. Ikea, Fly. Ça fait des trucs de meublement, Fly ou pas du tout? Je sais pas si Fly ça va pas fermer. Fly ça n'existe plus. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Ah merde! Bon bah alors, Conforama, But, Ikea. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Il n'y a rien d'autre. Si! Maison du Monde. Monsieur Meuble. Monsieur Meuble, Maison du Monde. Voilà, tout ça. Donc maintenant, nous allons passer au saké, voilà. Aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. On commence à picoler. Ouais. Quoi? Mais c'est pas les vrais verbes, c'est normalement, on doit avoir des monsieur... Non, des chocos. Du coup, on doit avoir des madames des madames à poil. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ce truc un peu... Le choco avec une madame à poil. Ouais. Par qui je commence? Allez. Oh putain, tu as Gilles Duvert. On est pas beaucoup, hop, hop, hop, hop. Pas plus haut que le bord. On va voir parce qu'on sait pas quel degré ça fait, c'est toujours pas. Ah, il sent le whisky encore. C'est bizarre. On sait pas quel degré ça fait. Oui, il connaît Dieu. Ah non, pas le mien. Ou alors c'est l'alcool. Ah, c'est peut-être l'alcool. Alors c'est un camé d'Azotu. Voilà. C'est la seule chose que j'ai pu lire. Parce que c'était écrit comme chez nous. Open this way. Ça, j'arrive à lire. C'est pas difficile. Donc, on va tes goûts. Je crois que le second épisode, il va être bien. Putain, le troisième. Oui. Hein. Je sais pas comment je vais présenter. Ouh, putain, je crois que ça a les yeux qui fument. Alors, ça, c'est parce que je viens de me prendre deux grosses gorgées de whisky, mais... Non, c'est fin, finalement. C'est hyper léger, en fait. Ouais. Je pense que c'est dommage qu'il soit pas frais. Je pense aussi. C'est ça. Mais ça se boit pas chaud. Il y a une sorte de rondeur, je trouve. Il y a quelque chose de très... Ça met du temps, en fait. Ça, ouais. Ça commence à chauffer un petit peu les verres, mais c'est beaucoup moins fort que le whisky. Ah, c'est sûr. Et bon, ça doit être 17, c'est sûr. Maintenant, on le sait. Hein, pas besoin de... C'est bon. C'est très bon. Ouais, on rien frais, mais... Ouais. Bon, je pense qu'on le mettra pour le troisième épisode, on le mettra frais. Hein. On va le ranger, on va mettre au frais, on va finir le whisky. Hein. Quoi? Bah, attends, deux gorgées, je viens de prendre, c'est bon. Hein. Ouais, aussi, je prends deux gorgées de whisky, je gerbe dans les chiottes. Hein. Direct. Ouais, c'est... On va être bourré, on va terroriser Castres après. On va être une sorte de rebelle. Non, en fait, j'ai pas l'impression que ça. Non. Je pense que ça va être le whisky aussi qui joue plus oui, ça, pour moi. C'est parce que. J'ai beau bien me. Et c'est très. Il y a une odeur aussi. Très, ouais. C'est une chouette. Odeur d'alcool, mais c'est tout. Ouais, moi, il y a un petit. Mais bien quand même. C'est sympa, quoi. Bah, du coup, on va passer à. On va dire à la musique. À la zikmi. On va commencer par le jingle, bien sûr. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Alors, du coup, j'ai choisi une musique. Bah, c'était un truc spécial Japon, donc en fait, j'ai pris deux musiques, mais je vais en passer qu'une. Parce que je savais pas si c'est fallait une musique vraiment japonaise pour ça. Ah, oh, bah, tu sais, moi, je suis pas sectaire. Hein. Ah, moi, on m'a dit spécial Japon, j'ai cherché un quiz. Je me suis fait chier à faire un quiz. Oui, bah du coup, il oui. Il a fait, il est bien, on a pris les trucs. Non, en fait, je l'ai fait hier. En 5 minutes, ça passe. Non, une demi-journée. Ah, oh, quand même. J'ai pris mon temps. Bah, du coup, moi, ça va être Merzang. Ouais. Et la chanson, ça va être Maillot jaune. Oh. Donc, c'est doublement thématique. Donc, Maillot jaune, parce qu'on est en plein Tour de France. Et il kiffe le vélo là-bas. Notez que le cyclisme là-bas est très suivi au Japon. Ah. Moi, j'ai vu des DVD à vendre du Tour de France. L'équipe était comme des fous au côté. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de champions. Les Japonais. Non, parce que c'est très plat en fait chez eux. Mmh. Et quand c'est en pente, autant te dire que même à oui, pied, c'est de la pente. C'est très plat, mais quand il y a de la pente, il y a de la pente. Ouais, c'est ça le problème en fait. C'est pas Quintaro quoi. Ouais. Donc, du coup, bah, on se dit au mois prochain. Oh, bah oui, si hein. On est toujours vivant après, après avoir fini le whisky. Voilà. Hein. Et on se laisse, bah, du coup, on va s'écouter Merzang Maillot jaune. L'objectif est déclaré. C'est la couleur du premier, le prix de la plus grande virée. C'est la couleur du premier, par conséquent ma préférée. Happy au comptoir, je ne me lasserai de croire que l'alcool dans l'espoir d'oublier mes déboires. Le contre-la-montre est ma spécialité, car à une heure, tout est fermé. Je continue donc sur ma lancée, mais dans mon col, dans la montée. Je continue donc sur ma lancée, où je finirai dans le fossé. Dans le peloton, on reste groupé. Pour réussir, y'a pas de secret, à l'apéro on est dopé. Pour réussir, y'a pas de secret, les tilos testés, les traqués. Happy au comptoir, je me lasserai de croire que l'alcool en espoir d'oublier mes déboires. Le classement par pinte est disputé. J'engrange les gourdes sans m'arrêter. Faut éviter d'être le dernier, sinon c'est la voiture balai. Faut éviter d'être le dernier et remettre ça à chaque soirée. Au coucher du soleil, non, rien ne me résiste. Je suis le maillot jaune. tard, je me lasserai de croire que l'alcool l'espoir. La caravane bâche, mille lanternes louches. Je passe au pinot, il faut que ça bouge. Enfin, le vitre est là.